à toutes et à tous. On est dans la deuxième partie du podcast bilan de l'année 2019. Je suis toujours en compagnie d'Eddie et de Morgane. Voilà. Et du coup, on va commencer. Enfin, je vous conseille d'écouter la première partie si vous ne l'avez toujours pas faite, qui concerne nos tops. Voilà, qui dure à peu près 2 heures. Et on est très. On est très explicatif dans tous les films qu'on aime. Et maintenant, du coup, on va passer à la première rubrique de ce deuxième partie qui est nos flops 2019. Et là, on va parler des films qu'on n'aime pas. Ouais. Ouais. C'est parti pour le flop. C'est la partie rigolote, quoi. Ouais, c'est ça. Du bilan. Donc du coup on est au flop de 2019 et on va faire du 10 au 1 directement pour que ça aille un peu plus vite. On va commencer avec Eddie. Eh ben, Eddie peut pas faire du 10 au 1 parce qu'il a que du 5 au 1. Lui. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Donc je vous invite à faire votre 10 au 1 sans moi. Ok. Morgane, alors ? Bah, commençons. Hein. Pour moi, numéro 10, Le Roi Lion. Dis donc, c'était gentil. Non, mais il y a pire quand même. Hein. Non, inutile. Non, mais il avait beaucoup de films aussi. Voilà, sans saveur. Sans intérêt, c'est beau, mais ça fait pas tout. Hein. Numéro 9, Greta, avec Isabelle Huppert et Chloé Moretz. Je l'attendais quand même, curieux, parce qu'Isabelle Huppert, tout de même. Rien à voir avec l'écologie, évidemment. Non, rien à voir. Mais Chloé Moretz, c'est. Enfin voilà, c'est. Je commence à douter un peu de ses talents d'actrice. Mais c'est pas une bonne actrice, hein, de toute façon. Non, pas trop. C'est... Voilà. Mais Isabelle Huppert, dans ce film, elle ne l'est pas non plus. Après, si vous voulez la voir danser. J'ai vu un autre film où Isabelle Huppert est mauvaise. Laquelle ? Tu verras. Ah oui, d'accord, je sais. Je suis quasiment. Je vois. Mais si vous voulez voir Isabelle Huppert danser de façon endiablée avec une seringue en mode psychopathe avec un accent à couper au couteau, ça peut être rigolo, mais non, très mauvais thriller sans intérêt. Numéro 8, Shazam. J'y allais sans a priori, même si les visuels faisaient peur. J'ai trouvé ça ni drôle, ni intéressant. C'est chiant, quoi. Et puis, l'acteur est fade. Voilà. Numéro 6, maintenant, c'est ça ? Ouais, numéro 6. X-Men Dark Phoenix. Alors, oui, voilà. On peut mettre James McAvoy, Jessica Chastain, mon bébé Ty Sheridan dans un film et que ça fasse quelque chose de mauvais. J'adore X-Men Apocalypse. Et X-Men Apocalypse n'avait pas besoin de suite véritablement et là c'est du X-Men dans tout ce qu'il y a de plus pauvre et de plat. C'est je me suis vraiment ennuyé, j'ai pas aimé les personnages le côté c'est fou film. Dark Phoenix, il a vraiment c'est la malédiction Dark Phoenix hein, c'est ah oui, X-Men, non, mais... X-Men 3 c'était voilà. C'est con parce que le personnage est vachement bien. Ouais, oui, mais les acteurs sont bien, mais ils ont vraiment rien à jouer, quoi. Et puis, même la pire, c'est Jennifer Lawrence. Elle s'en fout dans le film. mais attendez, parce qu'il y a mon copain qui vient de me faire un doigt d'honneur. Pourquoi ? Mon bébé Ty Sheridan, j'ai tout entendu. Oui, bah Ty Sheridan, c'est mon bébé. Oh, après toi, c'est bon. Alors, voyez, il est jaloux, voilà. bref, X-Men Dark Phoenix, c'était pas bien du tout. Numéro 5, c'est ça, 5, non ? Oui, c'est ça. Ah non, numéro 6, pardon. Numéro... Attends. Non. 6, voilà. Numéro 6, Inséparable, comédie française avec Alban Ivanov, justement, et Ahmed Silla. Oui, voilà, c'est celle-là, je pense. Voilà, le degré zéro de la comédie française. Hein. J'aime bien Alban Ivanov, il n'y a pas de souci, hein, mais là, ça raconte rien. C'est juste des acteurs qui cachetonnent, qui font le strict minimum dans un film qui n'a rien à raconter, tant sur le propos et qui n'apporte rien non plus en termes de comédie. Quoi. C'est ennuyeux à mourir, il ne se passe rien. Et il n'y a même pas d'alchimie, il n'y a même pas ce côté bunny movie qu'on aurait pu rechercher. Il n'y a rien qui fonctionne. Numéro 5, Convoi exceptionnel de Bertrand Blier. J'adore Bertrand Blier, je trouve que c'est un réalisateur très corrosif, politiquement incorrect, du moins dans les années 70-80, notamment avec Tenue de soirée, avec Gérard Depardieu. Là, beaucoup de promesses quand même. Hein. Gérard Depardieu, Christian Clavier qui se partagent l'affiche. Ça promettait, sauf que j'ai trouvé ce film, c'était ni fait ni à faire. dans la mesure où j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire à travers ce film. C'est juste du dialogue, c'est verbeux à s'ennuyer, à mourir. Ça dure 1h20, on a l'impression que ça dure 2h. C'est épouvantable, ça joue très faux, c'est pas drôle du tout. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire avec ce film. Je suis passé peut-être à côté, mais en tout cas, je suis pas le seul parce que ce film a vraiment pas fait l'unanimité. Il a pas marché du tout. C'est horrible. Autre comédie française problématique, alors que j'aime moyennement le premier, Tanguy le Retour. Numéro 4 de mon flop. Là, clairement, c'était la suite inutile par excellence. D'ailleurs, Étienne Chatiliez c'est un réalisateur qui n'a plus rien à raconter. Ah, visiblement, oui. Ah non, mais plus rien. Même avec repartant avec ce personnage-là qui était un peu son apogée en termes de renommée, parce que Tanguy, c'est devenu limite un adjectif maintenant. On dit, tu fais ton Tanguy, tout ça. Sauf que avant, il arrivait toujours à capter des choses au niveau politique, au niveau social et tout. Là, rien. C'est même très limite. C'est sûr qu'on est loin de Tati Daniel, La vie est un long fleuve tranquille, tout ça. Oui. La vie est un long fleuve tranquille, ça aurait pu être un film fait par Bong Joon-ho d'ailleurs, parce que ça parle un petit effectivement. Peu de voilà. Mais là, non, Tanguy, même l'acteur Eric Berger, là, il est nul. Enfin, on sent qu'il a rien fait depuis des années, quoi, parce qu'il aurait dû reprendre quelques cours de comédie entre deux, parce que le pauvre, quoi. Sabina Zema, qui est mais irritante au possible, Dussolier s'en sort plutôt bien, et il y a surtout cette espèce d'humour raciste anti-asiatique, et je pèse mes mots, qui est d'une gênance, mais c'est affolant. C'est vraiment affolant, quoi. Et le film n'a pas marché non plus, et c'est mérité. Numéro 3, le retour de tonton Luc Besson au cinéma, qui essaye tant bien que mal de... On avait oublié, lui, c'est vrai. Ah, j'ai pas oublié, Anna, franchement. D'ailleurs, grande séance avec mon copain, on avait envie de partir. Au bout d'une demi-heure, on était là, mais c'est chiant. On se regardait, c'est moi ou c'est chiant? Non, c'est très chiant. C'est en fait c'est très bessonien finalement, l'héroïne, tout ça, mais sans... C'est pour ça que c'est chiant d'ailleurs. Non, mais avant, à la limite, ça pouvait passer, mais là le problème c'est que c'est un film qui en termes de narration est bordélique au possible. Il enchaîne les flashbacks, les faux twists, et au bout d'un moment ça prend plus. C'est bourré de clichés. L'actrice qui est pas actrice d'ailleurs, qui est à la base une mannequin suédoise, qu'on me jette dans un feu de cheminée si jamais elle fait carrière. Là, elle est tellement nulle. Alors, elle est belle, effectivement. Elle a ce côté un peu blonde, plantureuse, un peu vénéneuse, très sexy. Mais elle est nullissime. Vraiment, il y a... Voilà. Et Hélène Mirren en espèce de mamie du KGB, c'est horrible. Non, mais c'est tous les clichés. C'est tous les clichés bessoniens que vous pouvez imaginer et dans un film qui n'est même pas généreux. Même les séquences d'action sont nulles. Vraiment, c'est nul. Numéro 2, un film qui m'a énormément énervé, Black Christmas, le remake du remake, parce qu'il y a eu deux remakes un en 2006 et celui-là. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, oui. Ah non, Black Christmas, c'est... Black Christmas, si vous voulez, c'est un peu le papa du slasher, c'est un peu lui qui a fait naître le genre du slasher, qui a instauré des codes, quoi. Ouais. Là, en fait, on est dans un film réalisé par une femme, avec... des femmes, totalement pour les femmes, à tel point que on va aller vers un propos misandre que je trouve un petit peu dégueulasse, quand même. On est vraiment dans une... Alors, effectivement, ça, c'est peut-être pas bien de dire ça, on pourrait dire, oui, de quoi tu parles, espèce de connard, tu es un mâle blanc. Donc, le film préféré de... Marlène Schiappa. Voilà. Mais je ne voulais pas le dire, je savais que tu le dirais. Parce que là où c'est une c'est connerie... Rien, non. Là où c'est une connerie, pour aller vite, tous les slashers, ce sont des genres féministes de base. Oui. Halloween, donc Laurie Strode. Mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Scream, Sidney Prescott. Mais Sidney Prescott n'est pas défini en tant que femme, elle est définie en tant que personnage. De toute façon, tous les slashers, même Freddy, les Griffes de la Nuit, L'Exorciste, tout. Après tout. Allons-y. Alors, c'est pas un slasher. Non, mais voilà. Ah, non, faut pas dire ça. On va dire, considères les femmes comme les démons. Non, j'annule. Non, mais voilà. Là, c'est un film qui passe son temps à dire. Mais il n'aime pas les femmes. Oui, c'est vrai. Non, de ce point de vue, oui. Mais en tout cas, là où j'ai un problème avec le film, ça. C'est un film qui passe son temps à dire, à être contre les hommes. Et c'est contre-productif, ce genre de discours. Parce que c'est que on part quand même d'une histoire d'un tueur qui assassine à tour de rôle des femmes dans un campus américain. Et honnêtement, je vais vous spoiler, parce que ce film ne mérite même pas d'être vu. Je sais pas si j'ai le droit, non ? Vas-y, vas-y. En gros, moi, je m'attendais évidemment à ce que voilà, le coupable soit voilà, un dealer ou une dealer, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, on apprend que quoi ? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, le campus a été. Le campus, en fait, porte le nom d'un mec qui, dans son passé, était un mec ouvertement raciste, misogyne. Et du coup, les femmes, enfin, les jeunes filles, s'insurgent contre ça. Ça, en soi, c'est intéressant. Pourquoi être dans une école dont le nom rend hommage à un mec qui est profondément misogyne et raciste. Ça, c'est bien. Sauf que ça va plus loin. On a des personnages qui vont faire des pétitions parce qu'un des profs ne leur font pas étudier des textes LGBT. Je vous jure que c'est vrai. Et en gros, le coupable dans tout ça, c'est le fantôme de ce mec raciste qui va en gros prendre possession des esprits des hommes blancs pour tuer toutes les femmes du campus. Et le seul mec, donc, du coup en fait il y a tout un, c'est un côté un peu sectaire finalement. Et en fait, si vous voulez, le seul mec qui va réussir à s'en sortir dans l'histoire et à ne pas il va se faire un petit peu posséder, mais il va réussir à retrouver la raison, c'est un mec métis bisexuel. Par contre, métis, tous les bisexuel hommes... est certainement vegan du coup. Ah je sais pas, je sais pas. Donc en gros, tous les hommes blancs hétéros sont des connards misogynes, ou alors que le film aurait pu dire il existe des gros connards qui sont effectivement blancs et qui sont des misogynes, qui sont pour que les femmes en gros soient relayées au second plan. Mais pourquoi aller nous dire qu'en gros les féminicides aujourd'hui c'est issu juste de possession démoniaque et tout? C'est comme ça que je l'ai pris, c'est ridicule. Oui, non, c'est ridicule. Et puis, les scènes de meurtre, ça dure 5 secondes, montre en main. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dans un slasher quand les gens se cachent, même si c'est un peu jumpscare et tout, ça se cache dans un placard un peu, voilà. Même si c'est un peu gros comme Michael Myers qui... Enfin voilà, pourquoi pas. Là, c'est des scènes, juste l'auteur surgit, pouf, et voilà, plus rien. C'est juste pour instaurer ce propos féministe que je trouve contre-productif et qui marche pas. Les slashers, depuis que ça a été créé, ce sont des films d'horreur féministes. Et bah voilà, quand t'as un mec qui comprend tout comme Wes Craven, qui te fait une Sidney Prescott qui est guerrière, voilà, et là t'as une fille qui fait ça, n'importe quoi. Bref. C'est voilà. Social Justice Warrior, le film, quoi. Exactement. Ah, mais franchement, c'est. Puis même, même l'intrigue en elle-même, il n'y a pas d'intérêt, c'est nul, c'est vraiment nul, c'est ennuyeux. Mais bon, c'est pas pire que le film. Alors là, c'est un peu facile de tirer là-dessus, mais j'en prends les responsabilités et j'assume toute ressemblance de Michel Denisot. D'autant plus que, qui est pour moi le pire film que j'ai vu cette année. J'y allais avec toutes les bonnes intentions du monde quand même. Moi, parce que la bande-annonce m'avait rendu curieux. Moi aussi, parce que Denisot. Mais tes retours m'ont rendu pas du tout. Bah, Denisot quand même, surtout. Il fait partie du monde de la télé, il connaît un peu tout ça. Je me suis dit, il va dénoncer 2-3 trucs. Il parle de trucs qui sont quand même vieux comme le monde. Mais vraiment, dans ce qu'il dénonce, c'est caricatural, c'est assez cliché, c'est très, c'est vraiment très cheap quoi dans ce qu'il dénonce quoi. Le côté, vous voyez les gens de la télé en fait, c'est des gens qui aiment se droguer et tout, sans blague. Moi qui suis fan du monde des médias, je préfère largement que vous voyez Late Night avec Emma Thompson qui en parle avec beaucoup plus de lucidité que ça qui est un étalage de clichés, de mauvais goût et tous les acteurs ne sont pas bons. Dubos qui peut être bon. Ça peut être un bon acteur, pourquoi pas, mais on n'y croit pas. Je peux absolument pas croire que Dubosc... Chirac, par exemple. Mais à la limite, il est crédible là-dedans. Mais je peux pas croire que Dubosc soit dans un monde utopique, là, un présentateur de journal vedette, plus grande vedette. Non. Et moi qui suis passionné par les médias, voilà, j'aime bien tout ce qui parle de ça. Je suis même pas qu'au cinéma, d'ailleurs, en général. Par exemple, j'aime bien TPMP, pas que pour l'émission, mais parce que pour y assister, c'est une grosse machine. C'est un truc de fou. Hein. C'est une organisation, c'est une rigueur, c'est millimétré. Et je me suis dit, peut-être que Denisot va parler de tout ça, pas du tout, et puis c'est pas drôle. Le seul qui s'en tire bien, c'est Jérôme Commandeur à la limite. Lui, je l'aime beaucoup, mais le film il est vraiment trop drôle. Lui, il est génial, mais le film en lui-même n'a rien à dire quoi. C'est il aboie, il mord jamais quoi. Et malheureusement, Denisot n'est pas réalisateur et encore moins directeur d'acteur quoi. Mais en même temps, ça me fait chier parce que quand il avait été vendre son film, il avait dit en gros, je suis pas un réalisateur, c'est mon premier, sûrement mon dernier film, on verra. Ça me fait chier que le film soit un flop total pour lui, parce que peut-être qu'il a des choses à dire. Malheureusement, voilà. Après, on lui fait peut-être payer aussi son côté, parce qu'en France, on n'aime pas quand on est polyvalent. Là, malheureusement, je l'aurais défendu, hein, pourquoi pas. Hein. Mais là, non, c'est indéfendable. Voilà. Très bien. Du coup, c'est à moi et après, on passera à Eddie. Donc mon numéro 10. Mais quand même. Oui. Mais puisque tu comme t'as que. Oui, oui, non, mais c'est de ma faute. Hein. Bon, non. Mais... du coup, ouais, il y a les trois premiers, enfin les trois derniers plutôt du flop qui, enfin, c'est pas non plus des horribles films, mais c'est voilà, c'est des films un peu décevants, un peu nuls. Star Wars, l'Ascension du Skywalker, mon dixième. Parce que, voilà, quand même, on en a parlé dans le dernier podcast, donc je vous invite à l'écouter en long, en large et en travers. Mais, on va dire 40 ans pour arriver à ça, à ce résultat, c'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu, c'est, voilà, c'était... Ça fait mal au cul, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. du coup, numéro 9, Maléfique, Le Pouvoir du Mal, qui est un film... correct, mais qui a quand même quelques lourdeurs, quelques... je sais que c'est un conte, c'est censé être un peu... c'est féerique, après, c'est excuse pas tout. Hein. Voilà, mais il y a des petites incohérences qui m'ont fait rire, hein, c'est clair. J'en ai parlé dans le... Il y a toujours cette magnifique scène de l'orgue. De l'orgue, mais qui me... Mais c'est une de mes scènes préférées de cette année, comique, hein, mais c'est pas comique volontaire. C'est ça le problème, mais, quoi. Voilà. Mais honnêtement, moi, je vous invite à voir le film juste pour cette scène, hein, clairement. Mais en tout cas, voilà, c'est... Après, le film n'est pas mauvais en soi, clairement, mais il y a quand même quelques petits problèmes. Le huitième, Les Faussaires de Manhattan, du coup, avec Melissa McCarthy. C'est un film qui, sur son principe, est plutôt, enfin moi, m'intéressait, puisque ça parlait d'une ancienne auteure à succès qui, enfin c'est basé sur une histoire vraie, une ancienne auteure à succès qui s'appelle Lee Israel, qui va créer des fausses lettres entre de grands romanciers américains. Et qui va les vendre du coup pour se faire de l'argent puisqu'elle n'a plus, elle est plus à succès. Et du coup, ben le film est, il est intéressant dans ce qu'il raconte, mais il est assez bancal sur la réalisation. C'est un film assez plat en fait, et même la résolution, on voudrait que ça dure un peu plus longtemps parce qu'on attend ça pendant tout le film et finalement c'est résolu en 10 minutes, la scène du procès dure même pas 5 minutes. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être plus approfondi et du coup être un film plus intéressant. Mais là, ça en reste un film mignon, mais sans plus, quoi, vraiment. Avec quelques petits défauts quand même de rythme qui font pencher la balance. Alors j'en suis au 7ème du coup. Pokémon Détective Pikachu, voilà. Un film mignon mais vraiment sans plus, avec des blagues un peu potaches qui n'ont pas trop leur place ici, j'ai trouvé. Bon, la faute à Ryan Reynolds qui interprète la voix de Détective Pikachu, un scénario mais écrit sur un post-it littéralement, un twist qui se devine au bout de la 20e minute et encore, je suis gentil. Et voilà, c'est même pas un film... c'est sympathique quand on a connu... quand on aime Pokémon, quand on a grandi avec, parce qu'on voit les Pokémon qu'on aime bien, etc., sur le grand écran, c'est toujours sympa. Mais je leur préfère largement leur version animée à cette version... clairement, c'est du réchauffé déjà de scénario. C'est très paresseux. C'est au niveau de la réalisation ou au niveau du scénario, c'est un peu drôle mais sans plus. Et c'est un peu dommage, quoi. C'est pas un bon film pour les enfants, je trouve, parce que c'est extrêmement paresseux et ça leur raconte rien, quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage. En sixième. Sibyl, film de... tu l'as vu aussi? Non, mais non. On m'en a dissuadé. Ouais, film de Justine Triet qui était à Cannes. Ouais, il me semble. Il était à Cannes, ce film. Ouais. Du coup, avec Virginie Efira dans le rôle principal. C'est un film, tout ce qu'on peut imaginer d'un film cannois, clairement, comme tu le décrivais avant. C'est très prout-prout, très... très intello, Il y a quelques belles. Enfin, je le sauve pour sa quelques idées de mise en scène, mais c'est vraiment tout. Je me suis bien emmerdé devant ce film. Il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment longues et lourdes et qui ne servent à rien. On sent qu'elle veut aller quelque part, la réalisatrice, mais elle ne fait pas tout jusqu'au bout. Et du coup, ça reste un film qui essaye des choses, mais qui tente des choses, mais qui ne va pas jusqu'au bout de ses idées. C'est dommage, quoi, parce que du coup, c'est pas intéressant à suivre. C'est un peu dommage. Il y a quand même quelques acteurs qui cabotinent, par exemple Adèle Exarchopoulos. Exarco, j'ai toujours un peu de mal, qui cabotine vraiment dans ce rôle. De cette actrice en détresse qui va voir une psy qui est jouée par Virginie Efira. Virginie Efira, ça va encore, mais à un moment elle doit jouer une scène une scène bourrée, et franchement elle en fait des caisses et c'est atroce à voir. Il y a un petit problème au niveau de la direction des acteurs, je trouve, en plus du fait que ce soit un peu chiant. Donc voilà, en cinquième, The Operative. Avec Diane Kruger. C'était nul, ça. Ouais, c'était vraiment pas bien. C'est avec Diane Kruger et Martin Freeman, un film de Yuval Adler. Ça parle de. C'est un film d'espionnage, un genre de thriller, mais vraiment mal écrit, qui est pas intéressant à suivre, qui est même pas très bien filmé, en fait. C'est limite un téléfilm, clairement. Et honnêtement, c'est pas très intéressant. Ouais, c'est pas très intéressant à suivre. Il y a peut-être une scène que je sauve, c'est la scène dans la Jeep où elle doit se cacher dans une Jeep, que je trouve intéressante visuellement. Mais le reste, en plus, l'histoire est à certains moments elle est assez incompréhensible. On comprend pas pourquoi. Moi non plus, j'ai rien compris. Ouais, pourquoi elle fait ces choix-là, qu'est-ce qui se passe, qui est un agent double, qui est un agent triple. Enfin, on comprend que dalle à certains moments et ça rend le film, du coup, vraiment désagréable à suivre. En plus d'être un mauvais thriller et dans ce qu'il raconte, quoi. Donc, c'est dommage parce que moi j'y partais avec. Enfin, j'y allais avec quelques espoirs, et là, vraiment, c'est vraiment un film où je me suis assez ennuyé, et j'ai trouvé une bonne scène dans tout le film, et encore. Voilà. Ensuite, je crois qu'on est au quatrième, Le Roi Lion. Voilà, je l'ai mis quand même assez bas, parce que c'est un mauvais copier-coller, quoi. C'est vraiment... L'ordinateur, il a bugué quand t'as fait CTRL-C, CTRL-V. Enfin, il y a rien d'intéressant. La seule chose intéressante, c'est visuellement. Ça, on peut pas lui reprocher que ce soit beau visuellement. Mais pour moi, un film, ça ne sert pas juste à montrer les progrès d'un ordinateur, quoi. C'est censé. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Clairement, ça peut aider quand c'est au service d'une bonne histoire. Mais quand c'est au service... Non, mais c'est le genre de truc... Le procédé est intéressant, mais c'est quelque chose qui devrait être mis en pratique pour d'autres projets, mais pas pour du cinéma, plus pour de l'expérimentation scientifique, du court-métrage, limite, pourquoi pas. Pas pour sortir en salle et refaire exactement la même chose, quoi. Ouais, même si... Enfin, je pense et en que... moins bien, en plus. On aurait été moins critiques s'ils avaient utilisé le même procédé, qu'ils avaient fait une histoire originale, quoi. Parce que le fait que ce soit attaché au nom Le Roi Lion, qui est un des plus gros films Disney, un des préférés de tout le monde, c'est clairement... ça a clairement joué en sa défaveur. C'est pas du tout crédible. Les lions, les animations faciales, tout ça, ça fonctionne pas. Les scènes de chant ne fonctionnent absolument pas. C'est dégueulasse. Il y a un problème déjà de base... dans l'idée de vouloir faire un film qui soit très très réaliste et visuellement, ouais. À tel point que du coup les lions on leur donne des faciès vraiment crédibles, mais par contre on fait quand même le choix de les faire parler. Ouais. Déjà en soi il y a une incohérence à ce niveau là parce que forcément ça peut pas marcher, c'est pas possible. Ouais. Oui, non, mais c'est clair. La scène rajoutée avec la petite chanson de Beyoncé, là, toute pourrie, qui dure 30 secondes, elle est vraiment naze. Genre, ça plombe le film carrément. Enfin, voilà, c'est... Puis l'amour brille sous les étoiles, il est en plein jour, quoi. Oui, voilà, en plus de ça, en plus de pas mal de choses comme ça. La scène, enfin, Hakuna Matata, où du coup, ben... Pumba va vraiment dire péter, enfin c'est nul. Ouais, quoi. C'est nul. C'est, ouais. C'est vraiment, mais là où toute la subtilité du juste pour faire une blague un peu. Voilà. Mais d'habitude tu m'arrêtes, Timon. Ouais. C'est ça manque de finesse quoi. Voilà, toute la finesse et subtilité du de l'original quoi, a été envolée en poussière clairement. Et du coup, ben honnêtement, John Favreau, moi en tant que réalisateur, il me saoule vraiment, je trouve. Je trouve pas qu'il ait une vraie... Enfin, j'aime bien quand il fait des films plus indépendants, genre Chef, que j'avais plutôt bien aimé. Mais quand il fait des gros films comme ça, moi, il me saoule. Déjà, en tant qu'acteur, il me saoule. Dans les Marvel, j'en peux plus de voir sa gueule. Et désolé de dire ça comme ça, mais dans Spider-Man, il me saoule. Enfin, voilà. Donc voilà, son roi lion, moi je lui dis, ben c'est vraiment nul. Et je comprends pas comment il a pu. Enfin, si je comprends comment il a pu autant fonctionner, puisque c'est basé sur un film qui est. Tout le monde est nostalgique de ce film, mais je suis déçu qu'il ait fonctionné autant. Voilà. Passons au troisième, Chambre 212 de Christophe Honoré. Et là, j'ai tout dit, du coup, on passe au deuxième. Non, mais du coup, rapidement, j'ai parlé pendant le bilan de l'été de... Non, c'était pas pendant... C'était podcast d'octobre. Film vraiment... La catastrophe, quoi. Ouais, catastrophe. Plus élitiste, tu meurs. Enfin, clairement, c'est bobo à mort, mais tellement que ça en devient gerbant. C'est vraiment pas terrible. Et encore, je mâche mes mots. Voilà, moi, j'ai vraiment un problème avec Christophe Honoré. Je trouve en plus que les acteurs, même s'ils sont bons en tant qu'acteurs, d'habitude, ils jouent vraiment de façon théâtrale, mais cliché. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Vincent Lacoste. Et là, je l'ai pas du tout reconnu, quoi. Je l'ai trouvé... je l'ai trouvé vraiment mauvais, quoi. Et tous les autres acteurs, hein, que ce soit Chiara Mastroianni, Camille Cotin, qui a beaucoup joué cette année d'ailleurs, qui a joué dans plein de films cette année, des bons films apparemment, mais là dans ce film elle est absolument atroce. Enfin bref, voilà, c'est tout simplement un mauvais film que je vous déconseille. J'en sauve juste une mise en scène plutôt à peu près correcte, voilà. En deuxième, là, c'est vraiment, on commence à vraiment dans les films vraiment pourris, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Je crois, c'était une des pires séances de ma vie. Dans la pire séance de l'année, c'était le premier, mais celui-ci là, The Dead Don't Die, c'est quelque chose. Hein. C'était le premier film de Jim Jarmusch que je voyais. Ça m'a pas donné envie d'en voir d'autres, mais même si je sais que les autres sont un peu meilleurs, enfin d'autres sont meilleurs plutôt, là tous les acteurs sont pas très bons. Alors pourtant il y a un casting, Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloé Sevigny, Steve Buscemi, enfin voilà, on a du bon casting. D'ailleurs c'était principalement vendu sur son casting ce film. D'ailleurs l'affiche même dit un casting à réveiller les morts, puisque ça parle de zombies. C'est censé être un film un peu méta sur les zombies, un peu méta sur la façon de faire un film sur les zombies, mais c'est vraiment nul. C'est-à-dire que au tout début du film, Bill Murray va dire à Adam Driver, qui donc du coup c'est deux flics, ils vont dire au détour d'une conversation qui paraît normale, t'as pas vu le changement dans le script, etc. Et du coup après il passe à autre chose, et on se dit ok, très bien. Et puis au fur et c'est pas abordé jusqu'à quasiment la fin où on dit au fait le réalisateur il t'a dit qu'il fallait faire ça comme ça. En fait c'est un film méta, mais vraiment nul et pas bien écrit, pas bien mis en scène. On s'ennuie, mais à un point, parce qu'on se dit ça peut être intéressant au début, qui joue sur ce point, sur le côté méta, sur le côté faisons un film de zombies. Mais c'est là c'est vraiment mal fait, c'est vraiment le concept ne fonctionne pas sous cette forme. Et voilà, ça m'a un peu dégoûté de voir d'autres films de Jim Jarmusch, très honnêtement. Et d'ailleurs, celui-là est passé à Cannes en plus, hein, donc voilà. Une d'ouverture, je crois. Ouais, en plus. Et pour finir, le pire film de cette année pour moi, c'est Comme des bêtes 2. J'en ai fait une critique sur Movies Nerd, j'en ai parlé dans le bilan de l'été. Voilà, c'est un film d'animation extrêmement paresseux. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi paresseux. C'est même pas c'est trois histoires déjà séparées qui se rejoignent à peu près. Et en plus, c'est très mal écrit. C'est même pas digne d'un épisode de télévision, quoi, clairement. Voilà, donc c'est vraiment nul. L'actorat est nul. Le visuel, c'est à peu près correct, et encore, c'est à peu près au niveau de. Ah, mais c'est de pas beau. Hein. C'est pas beau, mais tu vois, genre. Parce que moi, l'audio, il est repassé à la télé le premier, je crois. Ouais. Et bon, Alex a bugué dessus parce qu'il adore ce film. Mais personne n'est parfait. Et moi, du coup. Mais après, il a pas aimé le 2. Après, donc, il a enchaîné avec Chihiro. Bon. Ouais. Voilà. Non, mais. Ça compense, quoi. Ouais, mais du coup, je suis retombé un peu dessus, mais. C'est pas bien, hein. Je trouve. Et en plus, les blagues sont lourdingues, c'est pas bien écrit, c'est pas drôle. Il y a absolument zéro idée, que ce soit de mise en scène, de scénario, ça veut rien raconter en fait. C'est la paresse au niveau ultime de la paresse, clairement, ce film. Bah, un peu comme tout ce que peut faire Illumination, quoi. Mais honnêtement, là, on atteint quand même un stade, hein, parce que il y a d'autres films d'Illumination qui sont un peu paresseux, mais qui essaient de raconter quelque chose. Là, tous en scène, ça allait un peu encore. Voilà, ouais. Mais là, ça raconte rien du tout. Rien du tout. Et c'est nul, clairement. J'aime pas trop dire ça, mais c'est nul, voilà. Voilà. Donc, après avoir craché ma rage sur tous ces films, principalement sur les deux premiers, parce que voilà. Eddie, du numéro 5 au numéro 1, du coup. Ouais, alors, numéro 5, j'ai mis. Alors, en sachant que le 5 et le 4, c'est pas des mauvais films. Enfin, c'est pas ce que je considère comme des mauvais films, c'est des films que j'ai moins aimés, enfin, qui m'ont déçu plus. Par contre, les trois premiers sont vraiment des films que je n'ai pas aimés. Donc numéro 5, j'ai mis Ma vie avec John F. Donovan. Voilà, parce que ça m'a déçu, j'en ai parlé dans le podcast, et en fait moi j'ai vraiment ce problème avec le film où moi je pense que Dolan parle trop de lui dans ce film et de son rapport à lui-même, et c'est trop mégalo en fait. J'arrive pas à m'enlever cette idée là de la tête, et du coup voilà, pour moi c'est pas... C'est décevant parce qu'il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Le numéro 4, c'est... mais je crois que je suis le seul en plus à l'avoir vu, Donovan. Moi, je l'ai pas vu, justement. Non, moi, je l'ai vu, moi. Ah oui, mais t'as pas aimé, toi, du coup. Non, pour les mêmes raisons que toi. Et j'ai une allergie à Jacob Tremblay, et la scène devant la télé, c'est... Mais moi, j'aime bien Jacob Tremblay, mais là, c'est vrai qu'il est vraiment très, très, très mauvais, là. Tu, franchement, c'est pas crédible. Je veux bien qu'il parle de fans, mais qui a été comme ça? Mais Dolan dit, mais moi, quand j'étais petit, je voyais des trucs à la télé, je réagissais comme ça. Alors, il est pas orphelin, lui. C'est idéalisé, il fait appel à des souvenirs, mais jamais en étant fan, j'ai crié comme ça devant ma télé et tout. Enfin, j'ai un enfant qui me fait ça, je prends rendez-vous, il y a un problème. Je veux bien qu'on soit exalté, mais au bout d'un moment, ça vire à l'hystérie, cette scène. Il est hystérique. Et Nathalie Portman, elle est là, c'est bien mon fils, tu hurles. Mais... J'aurais peur. Donc il y a un petit peu de ridicule. Je dis pas qu'il y a pas de jolis moments, il y a des scènes sous la pluie par exemple qui sont très jolies. Tellement attendu. Natalie Portman, il y a des jolies scènes entre elle et son fils quand même malgré tout, mais non, c'est pas voilà. Après ce que je retire de bien, c'est Kit Harington. Moi je pensais vraiment que c'était un mauvais acteur et au final bon, ça va. Il s'en sort pas trop mal et il est plutôt bon dans le rôle, quoi. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas ouf, quoi. Numéro 4, ça, chapitre 2. Moi, j'avais bien aimé le premier chapitre. On reste avec Dolan. Oui, en plus, ouais. Oui, bah, au début, ouais. Et il se fait tuer comme une merde en plus. c'est vrai. Hein. Et moi, j'avais bien aimé le premier. Je trouvais que c'était un joli film sur l'enfance, sur l'adolescence. Enfin, vraiment, c'est plus que, au-delà d'une adaptation d'un roman, je trouve que le ça fonctionnait au niveau des personnages et de la cohérence entre eux. Et là, ça ne fonctionne pas vraiment. Et c'est assez décevant parce que, pareil, le film n'est pas fondamentalement mauvais, mais moi j'ai été déçu parce que j'en attendais beaucoup de cette suite. Et j'étais persuadé que le fait de coupler comme ça les jeunes acteurs avec leur version adulte, qui sont tous campés par des bons acteurs en plus, ça allait vraiment créer quelque chose de fort. Il y allait toujours avoir cette réminiscence de l'enfance dans le film. C'est un peu le cas, mais ça fonctionne moins. Et il y a quelque chose qui fonctionne moins dans ce film, qui tend à aller plus vers l'efficacité, mais qui est beaucoup trop long pour ce qu'il est, et qui, pour le coup, qui est beaucoup trop long, même si d'habitude ça ne me gêne pas, mais là ça fonctionne moins. Et finalement, le casting adulte, j'ai été un peu déçu, même, Jessica Chastain ou James McAvoy, qui sont pourtant des acteurs que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'ai un peu moins... Je les ai trouvés un peu moins bons ici. Et par contre, Bill Hader, j'ai trouvé qu'il était très bien dans son rôle. Mais bon, c'est comme ça. Alors, numéro 3. Donc là, on passe vraiment sur du truc du mauvais. Que je n'aime pas. Donc, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Ah, tu l'as vu, du coup ? Ouais, voilà, bah faut bien remplir son flop un petit peu. le premier m'avait fait rire, mais bon, voilà, un peu comme tout le monde, de là à ce que ça fasse autant d'entrées, je trouvais ça un peu dommage comparé à d'autres trucs, mais oui, il y avait des passages assez drôles, le film avait pas peur d'aller jusqu'au bout, qui t'a choqué à être un peu trash, quoi. Donc c'était, en cela, ça me faisait assez rire. Là, clairement, ça sert à rien. Déjà, ça sert à rien parce qu'ils ont rien à raconter. Et puis c'est surtout que on va rajouter au tableau de chasse au tableau de chasse des éléments comiques basés sur de la répression finalement et de la stigmatisation. On va utiliser l'homosexualité. Donc bon, c'est pas terrible quoi. Après numéro 2, Le Roi Lion. Alors évidemment visuellement c'est formidable hein, ça il y a pas de problème, c'est tellement formidable que du coup on nous fait 2 minutes sur une scène de crotte qui passe du lion à la girafe pour finir ou la souris au début, putain. Voilà, la souris au début, donc ça c'est très beau hein, c'est sûr, mais après le problème du film c'est que déjà il refait exactement la même chose, mais alors c'est un copier-coller quasiment plan par plan du film d'animation, et c'est surtout que il y intègre aucune émotion, alors que Le Roi Lion de base c'est oui, faut le rappeler quand même hein, c'est quand même je pense au traumatisme de beaucoup de gosses des années 90 notamment avec la scène de Mufasa de Scar et Mufasa. Voilà, donc là on n'a pas tout ça et en plus on a une version française catastrophique. Même si au final, c'est peut-être Jamel Debbouze et Alban Ivanov qui s'en sortent le mieux. Il s'en sort bien, Alban Ivanov, je trouve. Voilà. Il s'en sort mais, super bien. Mais Ryan Bensetti en Simba, mais c'est pas possible du tout. Mais pas du tout, quoi. Tu peux pas faire de Simba une racaille de la jungle, c'est pas possible. Putain, c'est... en plus, non mais ils ont abusé, quoi. Parce que en VO, c'est quand même. C'est plus. Enfin, le casting est beaucoup plus classe, quoi. Moi, je refusais de le voir en VF et ne trouvant aucune séance en VO à moins de 100 bornes, j'ai quand même pas tapé 100 bornes pour aller payer une place 20 € dans un Gaumont ou un pâté. Alors que là, je la paye 9 € dans un ciné, dans une chaîne un peu moindre. Mais bon, forcément, voilà. Et je voulais pas donner autant pour Le Roi Lion, quoi. Oui. Ça allait quand même pas me coûter en essence en plus d'une place. Hein. Donc voilà. Bon, alors, finalement, ça a très très bien marché au box-office, hein. C'est d'une absolue tristesse quand même. Moi, je suis très déçu par l'attitude des gens vis-à-vis de ce film. Donc voilà. Et oui, bon, le après, pire, c'est que ça a l'air de plaire, quoi. Ouais. Ah oui, si ça leur. Ouais, mais on peut pas leur critiquer parce qu'on est aussi allé le voir, donc. Bien sûr, mais c'est partie du problème aussi, mais. C'est que. Ah ouais, mais les gens qui te mettent. Ah ouais, moi j'ai vraiment retrouvé le film de mon enfance ouais, et oui, tout, mais sûr, à quoi ouais. ça sert, putain? T'achètes et un. Et encore, t'achètes c'est un DVD, plus que ça. Tu le mets dans ton lecteur et t'as Le Roi Lion chez toi, tu l'as déjà. Voilà. Non, c'est l'argument, c'était, putain, mais en plus, enfin, ça ressemble tellement au Disney. Ben oui, mais c'est pour ça que c'est pas bien. Mais, oui. Mais mon beau-frère, voilà, il l'a eu pour Noël parce qu'il a tellement adoré, il l'a mis dans sa liste, quoi. Et quelqu'un, je lui ai dit, putain, mais je lui ai dit, t'as des meubles à Calais ou t'as des, il me fait, ouais, je sais que t'as pas aimé, mais je dis, mais putain, mais bordel, enfin, il y a des moments, j'ai. Tu sais, je suis un peu comme Arthur, quoi, dans Kaamelott. Et sortez-vous les doigts du cul, putain. Réfléchissez, bordel, où on se fait entuber, là. Y a pas un problème. Le Roi Lion, c'est un enfumage de qualité, quoi. Ouais. C'est un film qui m'a énervé, en fait. Vraiment. Et alors, pour bien enchaîner, l'autre film, le film qui m'a le plus énervé, quand même, cette année. Et donc, Morgane, je pense qu'il a deviné, du coup. C'est Blanche comme neige. Ouais, j'allais le dire. Avec Isabelle Huppert et Lou Delage. Tu en as parlé dans un podcast. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. C'est pas possible du tout. Hein. C'est une adaptation moderne de Blanche Neige. Oui, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Et le titre de ma critique, j'ai mis, bah apparemment, elle n'aime pas que les pommes. Alors effectivement, elle n'aime pas que les pommes, cette Blanche Neige. C'est la Blanche-Neige en mode chaudière Marc Dorcel, hein, qui se tape absolument tout. Et ouais, mais tu comprends, c'est la découverte de son corps de femme, de l'adolescence, machin. Oui, alors excuse-moi, alors j'espère que toutes les filles qui découvrent leur corps ne se tapent pas tous les mecs qu'elles croisent, hein. J'espère pour vous, mesdames, parce que déjà, d'une, on peut attraper des saloperies, hein, et puis vous volez mieux que ça, quand même, hein. Donc non, c'est ça dépend des filles. Putain, arrête. mais voilà, mais je trouve que c'est honteux de sortir un film comme ça en 2019 à l'heure où on parle d'égalité des sexes et où je trouve que ça ne dessert tellement pas le féminisme déjà. Et c'est limite scabreux, quoi. Moi, ça m'a vraiment énervé. J'ai trouvé que c'était très mauvais et en plus, c'est pas une bonne adaptation de Blanche-Neige. Donc, il y a rien qui va. Voilà. Donc, c'est une catastrophe. On peut dire qu'il y a comme un pépin. Il y a comme un pépin. Putain, oui, ça aurait fait un beau titre de critique aussi, ça. Eh ouais. Mais voilà. Donc, je vous le déconseille fortement et Anne Fontaine, tu fais chier parce que finalement, je crois bien qu'il y a pas un film d'elle que j'arrive à apprécier. T'as pas sauf aimé peut-être Marvin, ouais, voilà, qui était à peu près potable. Et encore, il y avait des trucs caricature des gens du Nord, merci, quoi. Donc, Grégory Gadebois, ouais. Hein? Grégory Gadebois en papa, ouais. C'est quelque chose, ouais. Donc voilà. Très bien. Pour moi, le flop. Du coup, on a fini sur nos flops et on va passer tout de suite à nos surprises. C'est parti. Gonna say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Donc, on est à la rubrique de nos surprises. Il y en a trois. Et je vais commencer avec Eddie. Alors, surprise. Alors, vous l'avez mis dans vos flops. Enfin, Axel, tu l'as mis dans ton flop. Pour moi, c'est Star Wars épisode 9 quand même. Surprise. C'est surprise tellement c'était à chier. Non, mais justement. Mais voilà. Ouais. Et vas-y. Parce qu'il est également dans les déceptions. Hein. Ouais. Pourquoi je le mets là? Parce que je m'attendais à tellement pire que du coup, j'ai été surpris que ça ne le soit pas. Voilà. Okay, c'est principalement pour ça. Okay. C'est surtout que j'avais pas d'autres surprises à mettre en fait. Donc il fallait bien que j'en calme. Non mais c'est bien, j'admire. Voilà, en fait je m'attendais tellement, comme je disais, que ça soit un remake machin, que du coup j'ai été surpris que ça soit mieux que ce que je pensais. Je m'attendais à pire que ça. Bon, ça veut pas dire que c'est bon, hein. Mais et par contre, au niveau des vraies surprises, en numéro 2 j'ai mis Aladdin, la version live de Disney. Parce que là, pour le coup, je n'en attendais absolument rien. Ouais. Moi, je suis pas extrêmement fan de Aladdin. En fait, dans Aladdin, il y a juste des éléments que j'aime bien. J'aime bien Jafar, j'aime bien le génie, j'aime bien Iago. Je trouve que c'est vraiment des personnages intéressants qui fonctionnent bien. Et là, pour le coup, j'ai bien aimé tous les personnages, alors, sauf Jafar, qui n'a aucun charisme. Mais le film en lui-même m'a agréablement surpris. Je m'attendais à un truc vraiment nul à chier. Surtout en venant de Guy Ritchie, quoi. Voilà, et je m'attendais à détester notamment Will Smith en génie. En fait, il se révèle très, très bien en génie. Ouais. Donc, ça a été une bonne surprise. Et l'autre dernière bonne surprise, la première du coup, c'est Us, en fait. Parce que j'avais pas été hyper convaincu par Get Out. Que j'avais trouvé, j'avais pas vraiment compris tout le ton en fait du film. Je trouvais que la fin était un peu ratée. Enfin, il y a plein de choses qui pour moi n'allaient pas. Qu'en termes de dialogue et de clichés et tout, ça se présentait là quand même. Là, j'ai trouvé qu'il était plus dans la subtilité, plus dans le. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé le postulat plus intéressant aussi. Et plus percutant en fait. Le fait que ça soit plus universel, je pense que c'est ce qui m'a permis de mieux saisir les vraies idées aussi de Jordan Peele, de ce qu'il veut bien raconter en fait dans son film. Je pense que les niveaux de lecture sont plus intéressants en fait. Ok, voilà. Très bien. Morgane. Oui, alors première surprise, donc les gilets jaunes. Non, je déconne. Non, c'était première surprise, Eddie en a parlé, c'est Aladdin. Alors Aladdin, en plus de ça, rapport très particulier parce que je l'ai vu au cinéma, j'avais détesté. Oui, en plus, en fait, c'est vrai. C'est ça qui est surprenant quand même. Et toi, mais en même temps, toi, t'es champion pour ça, hein, Morgane. Ouais, mais non, parce que détester y a des films, un film je sais pour que... finalement le... Non, c'est pas si souvent, ça arrive, il y a des films, je me dis j'ai besoin de les revoir parce que je sais que c'est pas définitif. Aladdin pour moi c'était définitif, mais en fait je suis tombé dans l'addiction de la BO, notamment la BO en VO, parce que moi, même si je trouve que la VF par Cavana, très bien, est vraiment très bon, mais la VO, Will Smith, tout ça, voilà, je Nuit d'Arabie en VO, enfin ça fait mon bonheur depuis que je l'ai vu. Donc j'ai décidé de le revoir. Et surtout qu'on a la vraie version d'un rêve bleu. Enfin, en français, on l'a, c'est même pas ce rêve bleu, c'est comment que ça s'appelle, un nouveau monde. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais ça a beaucoup plus de sens en plus, oui, je trouve, oui. Parce que dans le dessin animé, ce rêve bleu, c'est bon. Oui, bon, les traductions. D'autant Disney, plus que j'avais vu Le Roi Lion après, je m'étais dit putain, Le Roi Lion c'était épouvantable. Puis dans mon souvenir, Aladdin, j'avais dit quand même que je sauvais le fait qu'il nuançait un petit peu le truc. Donc je l'ai revu et je me suis pris une claque parce que c'est vrai qu'un écran de cinéma et un Blu-ray, c'est pas pareil en termes de couleurs. Là en Blu-ray, on voit carrément le travail sur les couleurs, c'est assez foisonnant et j'ai été totalement enchanté. J'ai revu carrément le film à la hausse et Will Smith, alors là. Non mais il est très drôle. Grosse surprise. Ouais. C'est vraiment un rôle taillé sur mesure puisque le génie c'est un espèce de personnage. Bah déjà il était taillé sur mesure pour Robin Williams donc. Et puis c'est vraiment un personnage où Will Smith aurait pu faire sa star et il le fait pas justement et c'est ça qui est bien. Il aurait vraiment pu la jouer à la Will Smith, Prince de Bel-Air hein, comme il fait tout le temps. Et là non il le fait vraiment parce que justement le génie c'est ce personnage. Complètement décalé, avec un humour anachronique, avec plein de... Dans le dessin animé, c'est un élément c'est un comique très, très particulier qui dénote, en fait, du reste du film, qui est vraiment ancré dans une époque. Le génie, en fait, sort constamment du contexte de l'époque du film. Et moi, je me disais que Will Smith allait incarner ça, mais pour justement faire du Will Smith, en fait. Ouais. Et c'est justement parce qu'il n'en fait pas vraiment que ça le rend intéressant, je trouve. Pour ma part, en tout cas. Et franchement, sa prestation m'a séduit. J'ai aimé, bon, effectivement, à part Jafar. Mais voilà, j'ai vraiment pas de charisme. Hein, cet acteur-là. J'ai aimé cette adaptation. Voilà, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé ce côté Bollywood. Je trouvais que ça apportait un charme au film. Donc non, vraiment, grosse surprise. Alors même si le côté Bollywood, pour le coup, c'est un peu con parce que c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas du tout les mêmes lieux. Oui. Non, mais oui, bon, ça. Quand même, enfin, ça reste une démarche et voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de costumes et tout, le film est très agréable à suivre. Et ça pique pas les yeux non plus. Non. Même le tigre, tout ça, ça. Non, c'est vrai. Et moi, je l'ai vu en VF, et je crois que je l'ai vu en VF international, du coup. Et il y avait un running gag de la compote, mais j'étais mort de rire en fait. Je sais pas si vous avez vu ça ou j'en sais rien, mais il y avait un running gag de la compote, en gros, dans les offrandes qu'il fait en arrivant à Agraba, sous les traits du prince Ali. D'accord. Le génie. Ah, attends, voilà, ça me dit vaguement quelque chose. Et du coup, t'as Yago après qui arrête pas de répéter compote. Oui, ça me fait trop. Moi, ça me faisait rire. Donc, forcément, pendant une semaine à la maison, Alex a eu droit à compote. Tu veux quoi en dessert? Appelle compote. Le gros lourd de base. Ah là là. Ouais. Oui, oui, bah oui, hein, nos partenaires de vie souffrent hein, quand même, hein, parce que. On va leur créer une petite cellule psychologique. Oui, oui, bah c'est clair. Non, non, ils doivent souffrir pas mal. Hein. Bah moi aussi, moi par rapport à la BO, hein, c'est vrai que je chante la BO sous la douche, mais oh là là, mon Dieu, Prince Ali. Et j'aime tellement la version du film, je préfère même en termes de musique, enfin d'instruments, je préfère carrément la version du film. Je sais pas, je trouve que les musiques ont bien été reprises et tout, pas tant sur le plan vocal, mais sur le plan instrumental, pardon. Deuxième surprise, Edmond. Qui est sorti en janvier. Je voulais pas le voir, même la bande annonce, ça me plaisait pas, c'était pas mon truc. Cyrano de Bergerac, c'est pas. Oui, ok, ça fait partie du patrimoine, mais. Et finalement, j'ai été cueilli par le rythme. C'est un film qui est extrêmement généreux, qui est vraiment pour tout public. C'est très ludique, il y a un brin de folie, beaucoup d'humour, avec un souffle très cinématographique. Et à la fin, ce jeu entre le décor théâtral et le décor réel. Enfin, il y a une mise en scène qui est vraiment très, très, très, très, très bien pensée. Et je trouve que c'était un film épatant. Vraiment, on l'a pas vu venir, mais il revient dans pas mal de tops d'ailleurs. Ou alors dans les mentions honorables. Et il aurait pu y être parce que c'est vraiment un très bon film. Et il faudrait que je le revoie un de ces jours. Mais ma plus grosse surprise... Alors là, dans le genre, j'y suis allé avec tous les a priori du monde parce que c'est une suite et j'ai détesté le premier. C'est Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Parce que... Et en plus, j'ai les petits mouchoirs, je l'ai revu après Nous finirons ensemble. Quand le coffret est sorti, j'ai acheté les deux en Blu-ray, là. Enfin, le coffret avec les deux. Et les petits mouchoirs, ça passe pas, quoi. J'y arrive toujours pas avec ce film. Je n'aime pas ce film. J'aime pas ces personnages. Mais j'ai aimé ce qu'ils sont devenus dans Nous finirons ensemble. Parce que finalement, Nous finirons ensemble, ça, qu'est-ce que ça dit? Pourtant, ça c'est dit exactement que... la même chose. Ça reste un film de potes, quoi. Ça reste un film de potes, mais en fait, la bande de potes est la même, mais leur caractère totalement différent parce qu'ils ont eu leur vécu. Et en fait, là où ils nous semblaient immatures, irresponsables dans le premier, bah ils ont mûri. Les trains de vie, les chemins de vie différents que tout le monde a pris ont fait que certains ont changé, certains ne sont plus du tout pareils. Donc du coup, je les aime avec ce qu'ils sont devenus, comme nous finalement. Il y a 10 ans, j'étais pas pareil, enfin j'étais pas comme ça, comme mes amis. Et j'ai aimé ça, j'ai été ému dès la première scène où François Cluzet se met à pleurer parce que dans l'histoire, le personnage de Cluzet qui était, c'était une bande soudée, bah là, dans 10 ans plus tard, bah qu'est-ce qui se passe? Bah ils lui ont tous tourné le dos, c'est devenu un vieux con, et il le joue très bien d'ailleurs, et il se met à pleurer devant eux, c'est absolument sublime. Je trouve que juste dans le traitement psychologique, je trouve que Canet a vraiment tapé fort et m'a surpris à tous les niveaux, et même tout ce qui est péripétie à côté, je trouve que ça marche. Le film il dure 2h20, mais ça passe tout seul. Non, vraiment, grosse surprise et un des meilleurs films français que j'ai vu cette année, quoi. Je sais pas s'il a autant marché, je crois pas. En tout cas, elle a moins fait de bruit. Oui, c'est clair. Mais j'ai été épaté. Hein. C'était une grosse surprise. Je ne m'attendais pas à sortir de là en me disant gros, gros coup de cœur. Très bien. Du coup, moi, mon troisième en surprise, c'est Green Book, Sur les routes du Sud. Un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est vrai. J'y allais en... en tout début d'année. J'étais allé le voir. Et j'y étais allé sans rien savoir à part qu'il avait reçu l'Oscar. Enfin, j'y allais, voilà. Et du coup, grosse surprise parce que je m'attendais vraiment pas à avoir un aussi gros coup de cœur pour un film, pour un tel film. Et du coup, voilà, j'ai passé un excellent moment en salle. Et je vous le conseille encore. Et je pense que si on avait fait un top 15, il y serait, quoi. Voilà. C'est juste pour le citer. En deuxième place, Aladdin, on en a déjà parlé. Du coup, j'y allais vraiment à reculons aussi. Pas mal d'a priori. Principalement par le fait que ce soit réalisé par Guy Ritchie, mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé La façon dont le film se déroule, dont il emprunte au film d'animation tout en évoluant et en rapportant des nouvelles choses. J'aime beaucoup Jasmine, déjà, l'actrice Naomi Scott. Et en plus, j'aime beaucoup la chanson de Jasmine, une nouvelle chanson du coup, qui est très très forte de sens et qui fonctionne très bien dans le film justement. Parce que je trouve que Jasmine dans le film d'animation manquait un peu de substance, et là on en a rajouté juste ce qu'il fallait pour en faire un personnage vraiment intéressant, tout en laissant la place bien sûr aux autres personnages, laissant la même place aux autres personnages, voilà. Donc et Will Smith, voilà, vraiment très très bon génie. Même le Aladdin, du coup, Mena Massoud, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il fait, je trouve que le rôle lui convient bien et il est attachant en fait. Voilà. En première place du coup, puisque je l'ai pas cité dans mon top et vous l'avez cité tous les deux, mais du coup Dumbo, parce que moi j'y allais encore plus, à reculons, mais clairement ça a été une encore plus grosse surprise puisque c'était le film qui est sorti en premier du coup, puisque Aladdin est sorti après, et du coup les films live Disney, moi j'y allais toujours à reculons, et Dumbo m'a vraiment fait changer d'avis parce que je me disais, j'ai enfin vu un film live qui raconte quelque chose et qui a un autre propos que juste faire le film d'animation en live action. Le fait que Tim Burton soit dessus m'intéressait aussi. Le fait que Dumbo reste toujours le film d'animation du coup, un de mes films de Disney préférés. C'est pas mon préféré, hein, mais je trouve que visuellement, l'histoire et tout ça, ça me déchire le cœur à chaque fois que je le vois. Et du coup, je trouve que là, Tim Burton a rajouté tout ce qu'il fallait, extraire ce qui faisait tout le sel du film d'animation pour en faire quelque chose de vraiment, vraiment bien en film live. Et voilà, il est très touchant ce film. Il fonctionne très, très bien. Voilà, on a fini du coup avec les surprises et on va passer tout de suite à nos déceptions. On est à la rubrique des déceptions et du coup, on va commencer avec Eddie. Bah, comme je l'ai dit, il y a Star Wars 9. Mm-hmm. Ouais. Pour ce que j'ai évoqué, principalement parce que voilà, c'est pas pire que ce que je pensais, mais ça reste une conclusion trop molle en fait. Mm. Numéro 2, Ma vie avec John F. Donovan, pour ce que j'ai évoqué aussi. Plus haut, tout à l'heure. Trop mégalo, clairement. Ouais. Et après, parce qu'il y avait quand même un casting qui m'intéressait dans ce film-là, donc je suis un peu déçu de ce que Dolan a pu en faire aussi. Et ensuite, première déception, c'est ça, chapitre 2, parce que trop long et manque d'émotion, manque de beaucoup de choses en fait, qui auraient pu être bien. Ok. Morgane ? Numéro 3, Star Wars épisode 9. Vous savez mon avis, hein, voilà, c'est. C'est pas l'apothéose comme promis, et en plus de ça, c'est un très mauvais film, je trouve. Pire Star Wars que j'ai vu sur grand écran. Je compte pas Solo, ni Rogue One, même si Rogue One est pas aussi pire que ça finalement. Mais voilà. Deuxième déception, Joker, quand même, parce que. Mais tu en attendais quelque chose ? Ah oui ! D'accord. Ah oui, moi dès l'instant où j'ai vu le visuel de Joaquin Phoenix, je vais vous parler de lui beaucoup, beaucoup. Après, effectivement, le fait que tout le monde s'empare du film, effectivement, ça m'a un peu saoulé. Même la guéguerre entre regardez un film d'ici, machin, regardez, prends ça dans la gueule, Marvel, faut arrêter cette guéguerre des cerveaux, ça va deux minutes. D'autant plus que le film n'est pas si subversif que ça, faut pas déconner, je veux dire, voilà. Et je mets ma main à couper que ce film-là, dans 10 ans, personne s'en souvient. Si. Pas du tout. Ça, en tout cas, on se souviendra pas de l'impact, mais pas de en tant que film. Et c'est ça, en fait, que j'essaye de dissocier maintenant. C'est pour paraphraser, j'ai écouté un podcast de Nos Ciné. Alors, je suis pas du tout d'accord avec eux. Ils ont fait un podcast bilan sur la décennie et tout. Et il y en a un qui parlait de Joker, comme quoi c'était, bon, pour lui, un des pires films qu'il a vu. C'est pas un mauvais film. Enfin, il y a des trucs qui sont pas bons, mais des trucs qui sont très bons. Le problème, c'est qu'il parlait de films carnet de tendance du moment. Pour moi, Joker en est un. Par contre, Interstellar, pour moi, n'en est pas un. Interstellar restera. Mad Max Fury Road restera. Joker, pour moi, ne restera pas en tant que film. Il restera en tant que hype collective. Mais une hype qui commence un peu à se dissiper, puisqu'aujourd'hui, on remarque bien que beaucoup de gens qui l'avaient aimé commencent un petit peu à se dire, et si finalement, on s'était pas un peu emballé, moi, je suis d'accord avec eux. Et en plus de ça, des gens qui ne sont même pas contents que le film soit le plus nommé dans les Oscars cette année. Limite, ils veulent pas le voir gagner. Après, il y a des gros noms à côté. Il y a le Scorsese, tout ça. Il y a Once Upon a Time, par exemple. Once Upon a Time in Hollywood. Si on m'annonce qu'il a l'Oscar du meilleur film, c'est pas à lui que j'aurais donné, mais ce serait mérité. Voyez. Parce que cinématographiquement parlant, oui. Déjà, et parce que je trouve que Once Upon a Time, par exemple, même si je suis pas fan du film, lui, pour moi, il restera. Pour moi, il a marqué la fin de cette décennie-là. Joker, pour moi, il va vite s'émousser. Mais au-delà de ça, c'est pas un procès contre le film, enfin pas à ce niveau-là. Mais j'ai un problème avec le film, avec ce qu'il raconte. Je n'aime pas le propos politique du film. Je le trouve totalement dangereux. Je le trouve limite honteux. Et même la manière dont Todd Phillips s'en dédouane en disant, même par un dialogue à la fin, quand le Joker dit devant Murray. Je ne suis pas un personnage politique, bien sûr que si, t'en as fait un personnage politique, Todd Phillips, donc assume-le, si tu fais un film politique, assume-le, c'est pas grave. Et là, il jette un pavé dans la mare et il dit, voilà, et qu'on mette sur un piédestal un personnage comme celui-là, qui est quand même dans l'histoire, et là je vais faire peut-être un peu mon vieux con, mais qui a quand même tué des gens, même si c'était des gens qui étaient pétés de thunes, il a quand même gens, et on en fait un héros, je trouve ça quand même un peu inconscient. Je trouve quand même que ce film-là a quand même fait tendance à faire oublier à certaines personnes la barrière entre la fiction et le réel. Et on peut pas non plus s'exalter de ce qu'on voit. Ce que Tarantino fait à la fin de Once Upon a Time in Hollywood, on peut. Oui, on peut, non, parce non, mais que, voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'adore et j'aime beaucoup le film. Je suis voilà, et parce que Once Upon a Time, ils sont ok à la fin de Once Upon a Time. Même moi, on s'en réjouit. C'est que voilà. Du cinéma, d'accord, mais c'est surtout qu'en plus, dans le film, DiCaprio et Brad Pitt, au final, ne font que se défendre. Alors après, c'est grand, c'est burlesque, voilà, c'est parce que bon. Tu grilles pas les gens au lance-flamme. On a pas parlé du lance-flamme. Oui, mais dans l'idée, c'est vrai que finalement, voilà, ils se défendent et de toute façon, il va pas en taule à la fin, hein, DiCaprio. C'est ça, mais c'est même pas que se défendre, ils se vengent parce qu'on le sait qu'ils tuent et on sait que dans la vraie vie, ces gens-là qui ont tué méritaient au minimum ça. Et donc nous, on est là, putain, c'est génial, il a vengé Sharon Tate, c'est super ce qu'il avait fait dans Inglorious Bastards. Oui, parce que personne, il savait que personne ne s'offusquerait de toute façon de voir Hitler exploser dans un cinéma. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est la vengeance. L'histoire n'a pas pu tuer Charles Manson, Charles Manson, les sbires de Charles Manson. Le cinéma va le faire. Et ça, c'est ça cette démarche-là qui est intelligente. Dans Joker, non. Dans Joker, on tue de façon juste par un coup de folie trois traders. Ok. On fait de Thomas Wayne un espèce de misanthrope complètement inhumain. C'est Donald Trump quoi dans le film. C'est ça. Et je trouve que on tombe dans le discours politique anarchiste qui est un peu limite. Et clairement, c'est les gilets jaunes le film, et je n'aime pas ce que le film ne me raconte. Et donc, c'est une déception à ce niveau-là. J'ai été déçu parce que je trouve que le propos politique est un peu limite, et en plus, c'est quand même très caricatural, très manichéen, il n'y a pas de nuance. Et puis par rapport à tout ce qu'on a fait, je trouve que c'est pas non plus un film qui est exceptionnel, même s'il y a des qualités. La première partie est très bien, mais dès l'instant où ça part dans le one man show Joaquin Phoenix, moi ça m'épuise et ça m'a sorti du truc. Malheureusement, il aura l'Oscar parce que les académiciens, ils aiment bien quand on fait un peu le clown devant la caméra, c'est très payant. Et en cela, j'aurais préféré qu'on le donne à Brad Pitt et dans Once Upon a Time, mais malheureusement, il est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Alors que pour moi, le second rôle de l'histoire, c'est DiCaprio et non Brad Pitt. Et justement, transition, ma grosse déception, mais je le regrette, c'est Once Upon a Time in Hollywood, parce que je suis passé à côté. Je le sais, je l'ai vu deux fois. C'est le rythme. J'ai un problème avec ce rythme. Y a des choses qui m'avaient pas plu dans le premier visionnage. Effectivement, cette réécriture que j'ai vu venir dès le début, rien que le titre, Once Upon a Time, je me suis dit, il ne fera pas tuer Sharon Tate. Et au début, j'ai pris ça un peu amèrement en me disant, ouais, bon, écoute, Quentin, t'es un peu allé à la facilité, tu fais ce qu'on attend, enfin, ce que j'attendais. Mais en le revoyant une deuxième fois, ça s'est mieux passé. Le personnage de Sharon Tate est mieux passé, parce que je la trouvais effacée. Et en fait, Margot Robbie l'incarne tellement bien. Cette espèce de bulle d'énergie, d'euphorie, de joie, c'est finalement tout ce que le cinéma peut nous apporter. Bah, tout ça, c'est à travers ce personnage-là que s'est dévoilé cette fantaisie, cette bonhomie, cette jovialité, cette innocence quelque part. Et ça, c'est très beau. C'est un film qui est sublime. C'est un film qui est beau. S'il gagne l'Oscar du meilleur film, tant mieux. Et à la limite, j'aimerais bien que ce soit lui ou Parasite. Malheureusement, je suis passé à côté, je peux pas le nier. Donc en soi, ça m'a déçu parce que c'est un film qui a été écrit pour moi. Je suis fan de Tarantino, je suis cinéphile, mais c'est pas passé et ça m'emmerde. Ça m'a ennuyé, je le regrette quoi. Peut-être qu'un jour, j'ai envie de le revoir une troisième fois. Là, comme je dis, il va passer pour le festival Dolby. J'ai envie d'y retourner parce que j'ai envie de l'aimer ce film. Moi, s'il repasse au cinéma, c'est un film qui est tellement beau. Tout de suite, mais clairement. C'est un film qui est tellement beau. Il y a tellement de choses dans chaque détail, mais ça ne m'intéresse pas parce que j'ai trouvé justement que ce côté absence d'enjeu, finalement, bah moi, ça m'a un peu ennuyé parce que j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. J'ai besoin d'avoir des enjeux, des péripéties. Là, c'est un film où on est dans une... C'est un flottement, en fait. C'est un film où c'est une journée. Ouais, c'est une errance, en fait. On se balade et c'est une balade qui dure 2h40 et j'avoue que je les ai vus passer. Donc, j'ai été déçu à ce niveau-là. Mais je suis pas déçu du film, je suis déçu de moi. Donc, du coup, donc c'est pour ça que je le mets là. Soumima voilà. Sen. Voilà. Donc, excusez-moi. Ok, très bien. Du coup, c'est à moi. En troisième, Star Wars épisode 9. Voilà, on en a parlé. En deuxième, Le Roi Lion. On en a parlé. et en premier, alors, j'ai bien aimé le film, mais je le mets en déception parce que j'en attendais quand même un peu, beaucoup plus. C'est un de mes réalisateurs préférés, donc c'est A Rainy Day in New York de Woody Allen. J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai bien aimé, mais c'est clairement un des moins bons de Woody Allen. Et pour moi, il a pas fait beaucoup de mauvais films. Voilà, c'est juste un peu décevant. J'en attendais peut-être beaucoup trop aussi. Le fait qu'il retourne à New York et tout ça, voilà, c'est clairement. Alors l'histoire m'a quand même plu. Hein. J'ai passé quand même un bon moment, mais il y avait un petit truc qui me manquait, quoi. Il n'y avait plus, la magie que j'avais. Pour moi, c'était un peu vide. Ouais, voilà. Il y avait, ouais, c'est vrai. Mais ça racontait quand même des choses intéressantes, je trouvais. Malheureusement, c'est un peu. Et visuellement aussi, visuellement, je le trouve très bien réalisé. Très intéressant visuellement. De longs plans séquences. Mais malheureusement, c'est un peu vide. Très bien. Du coup, on a fini sur les déceptions et on va passer tout de suite à la BO de l'année. C'est parti. Did I put myself in? Snowflake in a desert, I'm her beacon, I'm fluorescent, is this real? What's happening here? I try to be human, but that never works. I'm lost in a gift shop with hours to burn. I'm losing my grip. I wanna come back to me, I wanna come back. On est donc à la rubrique de la BO de l'année et on va commencer du coup avec Eddie. Quelle est la BO qui t'a marqué le plus cette année? Ralph 2.0. Ok, très bien. Parce que en fait la chanson de Pénélope, c'est ouais, ça. Ouais, il y a ça notamment. J'ai trouvé ça tellement drôle, quoi. Mm. Et je trouve que c'est tellement mieux réussi que la chanson de Christophe dans La Reine des Neiges sur le côté parodique. Donc après, je n'ai peut-être pas compris le sens de la chanson de Christophe dans La Reine des Neiges, mais j'ai trouvé assez ridicule. Ouais. Et là, celle-ci est très drôle. Mais après, même au-delà de tout ça, c'est que tout est drôle, quoi. Enfin, tout est très bien dans cette bande son. J'adore le thème principal de Ralph aussi. Moi, j'adore ça. C'est pas mal électro, hein. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que, tout collait très très bien. Donc très bien. Ok, t'as un morceau en particulier que tu préfères ou pas? Bah après oui, la petite chanson de Vanellope, ouais. La chanson elle est de sympa, Vanellope, ouais. Ok, très bien. Ouais. On va s'écouter ça tout de suite. What can it be that calls me to this place today? This lawless car ballet, what can it be? Am I a baby pigeon sprouting wings to soar? Was that a metaphor? Hey, there's a dollar store. Look, I'm rhyming. My spirit's climbing as I'm called through this fog of mace to this place called Slaughter Race. Welcome back. Watch your hat. Hate to see you end up dead. Let's get this party rolling. Is that appliance stolen? We have fallen wires, dumpster fire, creepy clowns, and burning tires. That great white in the sewer. You'll be happy that you knew her. Finbomb. Dogs and cats, they sure taste great. With a side of license plate. Some find us deplorable. Well, I think you're adorable. We may be a motley crew, but our hearts ring true. And just for you, a face tattoo. Like my dreams are real at last. No trace of a frown upon your face. Flying so fast. Setting the pace. Living the life. Loving the chase. Now is the time. Here is the place. This Et du coup, on va passer maintenant à Morgane qui va nous donner la BO de sa BO préférée de cette année. Moi, ma BO, c'est compliqué. laquelle j'hésite entre les deux là. Mm. Bon, alors, mention honorable Parasite. Ouais. Mais la BO qui m'entête le plus, c'est Us. D'accord. La BO de Us, elle est absolument incroyable. Ouais. BO de Michael Abels, notamment un morceau, celui qu'on entend à la fin. Ouais. Qui est, le titre est français, elle s'appelle Pas de deux. C'est le moment où les deux doubles, les deux s'affrontent. Mm, mm, mm. Oh, incroyable, incroyable. C'est la musique qu'on entend dans la bande-annonce aussi. Ouais. Et c'est tellement... Ah, j'ai pas les mots, quoi. Je sais pas si ce morceau m'exalte, me fait peur. Enfin, il y a tellement d'émotions que je ressens à travers... Ou même la musique de l'intro, hein, avec les lapins et tout. Ah, oui, ça oui, donne oui. un ton. J'étais là, wow. Et puis en plus, c'est long. Mm. Elle commence par un lapin. C'est très, très long, hein, comme écran-titre. C'est... Mais non, le titre, Pat 2, il est ouf. Mm. Vraiment ouf. Ok, très bien. Et moi, du coup, ben, ça va être sans grande surprise, La Reine des Neiges 2, et plus précisément Frozen 2, parce que je préfère l'écriture en VO, clairement. Mais j'ai hésité, curieusement. T'as hésité ? Ah ouais ? Et t'as fait le bon choix. Mais non, mais j'ai hésité parce que j'aime tellement, en fait, la... Alors, j'aime beaucoup Into the Unknown. Je trouve juste qu'elle arrive trop tôt dans le film, mais j'aime beaucoup la chanson. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la reprise de Panic at the Disco. Ouais. J'adore, je trouve que sa voix colle tellement bien et il en fait un super truc. Après, la plus belle chanson du film, objectivement, c'est The Next Right Thing en anglais. Voilà. De Hannah, du coup. Mm. Et qui doit être chantée du coup par Kristen Bell en français. Par Kristen Bell, oui, c'est ça. Oui, non, mais la voix de Kristen Bell, moi je suis très très, très fan. Elle est géniale, cette fille, elle est trop marrante, elle chante bien. Ouais. mais du coup, voilà, la BO de Frozen 2 qui est écrite par du coup Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez. Qui sont des gens très très talentueux que j'admire beaucoup. Ils sont d'excellents paroliers, d'excellents musiciens aussi. Voilà. Pour moi, J'hésite entre ma chanson préférée, je pense que je vais mettre Lost in the Woods parce que je la kiffe tellement. Et c'est la chanson du coup de Christophe. Tu as... C'est sérieux, tu vas mettre celle-ci? Ah ouais, non mais je l'adore. Ouais. J'adore la version je de... Je trouve ça ridicule, moi. J'adore mais la je version sais pas, de... peut-être que la chanson elle est faite pour que je me foute de sa gueule, hein, je pense. Hein. Mais c'est un peu ça en fait, c'est un peu, c'est un peu une blague, mais voilà, on sait pas trop où se positionner, comment se positionner, et je trouve ça après, assez... Après toutes les petites références à Queen, c'était drôle, avec les reines... Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Mm. Et du coup, j'aime beaucoup aussi la version de Weezer qui est à la fin, enfin dans le générique de fin... Donc, d'ailleurs, sur YouTube, vous pourrez trouver une recréation de ce moment du film par le groupe avec une apparition de Kristen Bell en Anna en live action, qui est très très bien. voilà, c'est très très drôle. Je vous conseille de voir du coup Lost in the Woods par Weezer sur la chaîne Disney Vevo, quelque chose comme ça. Mais aussi, je parle rapidement des chansons qui n'ont pas fait le film. Il y en a certaines sur la bande originale qui sont vraiment superbes. Get This Right, qui est un duo entre Jonathan Groff, du coup Christophe, et Kristen Bell, où Jonathan Groff et je trouve que ça aurait été une superbe, je pense que tu aurais préféré à Lost in the Woods dans le film, puisque ça parle en fait du fait qu'il hésite et il sait pas comment demander en mariage Kristen Bell, et c'est une duette un peu comme il y en avait dans le premier film, je me souviens. L'amour est un cadeau. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est mal un peu celle-ci dans le premier. Tu l'aimes pas? Non, dans le premier, j'aime pas. Okay. C'est la seule chanson du premier que je n'aime pas. Ah bon? Ouais. C'est ma chanson préférée du premier. Je préfère, celle que je préfère, c'est le renouveau, et celle que je déteste, c'est qu'elle me saoule en plus dans le film, elle est chiante. Et puis, d'accord. J'aime pas Hans avec ses roues flaquettes. D'accord, ok. donc voilà. Enfin, très très bonne chanson. Enfin bref, je vous invite à écouter toute la BO, mais je vais mettre du coup Lost in the Woods. It's always fine. I probably could catch up with you tomorrow. But is this what it feels like to be growing apart? When did I become the one who's always chasing your heart? Now I turn around and find I am lost in the woods, north or south. Right is left when you're gone. I'm the one who sees you home, but now I'm lost in the woods, and I don't know what path you are on. I'm lost in the woods. Up till now, the next step was a question of how. I never thought it was a question of whether. Who am I? I'm not your guy. Where am I if we're not together? So I'm lost in the woods. Donc, du coup, on a fini pour les BO et on va passer à la dernière rubrique de ce podcast qui sont nos attentes pour l'année 2020. Yes. Du coup, c'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast qui sont nos attentes pour l'année 2020. On en a 5, enfin on a dû se limiter à 5. Et je vais commencer avec Eddie. Du 5 donc, au 1 du coup. Alors ce qui est compliqué, c'est, bon j'en ai 5 mais il n'y a pas de degré en fait. Ok, d'accord. Les attentes tous au même niveau. Ouais. Okay. Oui, voilà. Donc, je vais partir de la 5e à la 1ère, mais ne tenez pas compte. Ok. Voilà. La 5e, ce serait The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Wow. Oh, putain. Ouh. Le diable me l'a fait parfaitement faire. Bilingue. parce que moi, j'aime bien le deuxième Conjuring, mm-hmm. N'en déplaise à monsieur Sheridan. Mm-hmm. C'est moi. je n'aime pas. J'adore le enfin j'aime beaucoup le tout premier. Mmh. J'aime bien le deuxième, j'aime un petit peu moins le deuxième, mais je l'aime bien quand même. J'attends le 3 parce que le sujet du 3 est intéressant. A priori, des pistes que l'on a pour l'instant, ce serait sur l'histoire d'un loup-garou en Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est pas le loup-garou de Londres, le loup-garou, la légende de l'homme qui se transforme en loup, hein, c'est le témoignage rapporte un peu ça quand même, mais c'est vraiment basé sur la lycanthropie, et c'est pas souvent, en fait, des histoires de loup-garou au cinéma, il y en a, mais des histoires de lycanthropes, de gens, en fait, qui sont atteints de la maladie de la lycanthropie, qui ont ce trouble psychologique, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est clair. Et du coup, le film va traiter de ça, a priori. Donc, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. On verra. Très bien. Après, c'est Kaamelott. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre, parce que techniquement, Kaamelott devrait être tout en haut. Voilà. donc, Kaamelott, parce que, je pense que là, j'ai pas de... Vous voulez vraiment des arguments? J'aime vraiment, j'adore la série, je la connais quasiment par cœur. Je suis absolument fan de tout ce que peut faire en fait Alexandre Astier. C'est le, je peux bugger dessus pendant des heures, moi, sur YouTube, sur les interviews, sur les machins. Donc, voilà, je suis en adoration devant ce mec. Je ne suis pas croyant. Je suis Astier, quoi. Mes croyances vont entre Alexandre Astier et Alain Chabat. Ça me va plutôt bien, en fait, comme forme. Ah, c'est bien comme, tu sais, statue de dieu grec. Ma Bible à moi, c'est un peu les deux, là. Donc voilà. Après, ce serait Soul, de Pixar. Ouais. Parce que je pense que ça va être génial. C'est plus que l'autre là en avant, moi ça me tente pas. Ah si si, en avant, oh, en avant justement, il est bref. Et donc oui, Soul, parce que le sujet a l'air vraiment génial et je pense que ça peut donner plein de bonnes choses en termes d'animation. Et c'est surtout qu'on a un peu deux animations différentes en plus a priori dans le film. Donc ça va être génial. Ouais. Et puis Pixar, c'est toujours un événement quand même. Surtout un Pixar original. Oui. Ça, c'est cool. C'est good. On devrait en avoir pas mal. Cette année. Bien. Ouais. Donc, lui, plus en fin d'année, a priori. Juillet, il me semble. Juillet. Pixar de l'été. Et puis, on aura un Pixar, du coup, fin d'hiver, début printemps. C'est ça, ouais. Donc, avec En avant. Qui fait partie de tes attentes. Voilà, que j'attends énormément, mais depuis déjà longtemps. Hein, ouais. Parce que je crois bien que j'en avais parlé l'année dernière. Oui, oui. Il me semble, ouais. Donc c'est, je l'attends énormément parce que là je trouve que l'univers est c'est tellement génial de faire cette histoire là dans un univers de fantasy qu'on modernise et tout. Enfin voilà, moi les sirènes dans leur piscine gonflable, les licornes à la place des chihuahuas, tout ça, je suis totalement free, je suis totalement client de ça. Ouais. Je pense que ça va être extra en termes d'univers. Bon, après, voilà, hein, on peut avoir des surprises. Hein, le voyage d'Harloum tentait énormément aussi. Mm. Ça m'a un petit peu moins plu, mais ça reste un joli film. Et évidemment, l'autre attente, c'est Mulan. Mm. Hein, moi, voilà, hein, 3 Disney sur 5 attentes, c'est bien. J'attends beaucoup Mulan parce que déjà, j'adore le film d'animation. Mm. Et je pense que cette version live sera vraiment, peut être la version live qui est un petit peu comme Dumbo pourrait définitive redistribuer un petit peu les cartes quoi. Mm. Donc ce serait bien et je suis très curieux de voir ça et pour l'instant les premières images que j'en vois me plaisent et la direction ça semble prendre me plaît aussi donc wait and see comment on dit. D'accord, très bien. Morgane, tes attentes 2020? Ouais, alors pareil, c'est pas comédie, à part le numéro 1 qui est peut-être vraiment l'attente ultime parce que grosse curiosité, mais le reste est un peu dans le désordre. Alors, donc cinquième, Soul, hein, Pixar évidemment, en plus ça sort en juin, donc ça va être le petit Pixar de l'été qui va réchauffer les cœurs et tout, encore plus qu'ils ne vont l'être, hein. Donc je le sens bien, quand Pixar ils sortent des films en juin en général, dernière en date c'était quand même Vice-versa. Voilà, donc bon. Numéro 2, un film qui sort aussi cet été, en août, j'espère qu'il passera au cinéma, j'ai peur, mais Dernier Train pour Busan 2, du coup, voilà. Forcément, hein, le premier gros kiff de 2016, forcément, donc j'ai hâte de voir la suite, qui ne reprendra pas les mêmes personnages, ou de moins les deux survivantes à la fin du film. Parce que oui, c'est vrai que c'est ça, ça va être un peu compliqué, enfin, sinon, disons qu'en termes de dialogue et tout, ce sera un peu plat, sinon, s'ils reprennent vraiment voilà, le même film. Ça va être dans le... Ça va être dans le même contexte. Après, peut-être qu'on les verra peut-être à un moment donné. Voilà, mais j'ai hâte de voir. En plus, même réalisateur. Donc, pourquoi pas plus de budget. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir. Visuellement parlant, il y avait des petits défauts dans le premier. Bon, après, voilà. C'est pas... Bon, ça allait. Hein. Mais c'était... j'ai aimé cette fougue. Voilà, ça m'a plu. Numéro 3, du coup, on va dire, c'est Dune de Denis Villeneuve. Alors, que je n'attends pas, du coup, Morgane. Hein, si, en fait, voilà. Morgane était persuadé que j'attendais le film, non, alors ce n'est pas le cas. Voilà. Déjà, ce que je vais dire avant toute chose, c'est pas des attentes. Ouais. Parce que ce sont des curiosités. Je trouve ça bien parce que chaque année, il y avait toujours des films, j'étais là, genre Ready Player One, oh mon dieu, chef-d'œuvre, machin. Là, et alors, il est toujours là maintenant, oh mon dieu, chef-d'œuvre, machin. Hein. Ah oui, je valide. Hein. Mais c'est vrai que trop attendre, c'est pas bien. Donc c'est des curiosités. Donc c'est des films, je me dis, tiens, j'ai envie de les voir, mais je vais pas y aller en me disant, oh mon dieu, machin. Après, voilà, ça, c'est des films qui me titillent plus que les autres. Donc, Dune, en fait, ça va être... Sachez-le, Morgane est titillé. Hein. De quoi ? Sachez-le, Morgane est titillé. Oh ouais. Là, dans Dune, ça va être un tout petit peu compliqué parce que soit ça va faire comme Premier Contact de Denis Villeneuve, du même réalisateur, donc je vais sortir de là émerveillé, séduit... Ou alors, ça va faire comme Blade Runner 2049. Effectivement, comme c'est un film de SF, je vais être là... Mon dieu, c'est ronflant. Et tout le monde, c'est ce que ça m'inspire un peu, en fait. Ouais, j'ai un peu peur parce que c'est... Après, il y a le pari aussi cinématographique d'adapter ce truc-là, que David Lynch a fait, je sais pas ce que valait le film. Mais en tout cas, il y a quand même un gros casting. Je l'avais vu, celui de David Lynch, j'étais vraiment pas vieux et j'avais pas compris. Après, complètement largué. Et après très avoir, mais je pense que ça peut être une belle proposition de cinéma. Donc du coup, je suis quand même curieux. Il y a la curiosité. C'est pas une attente, mais c'est une grosse curiosité. Mm-hmm. Ça peut. Après, si ça dure 2h55, parce que voilà, ça peut. Voilà, la durée peut me freiner. Puis Denis Villeneuve, c'est un rythme assez particulier. Numéro 2. Pas très. Grosse curiosité, c'est Sans un bruit 2, justement. Mmh. Parce que, tu l'as mis en premier. J'adore le premier. Je m'étais dit une suite, pourquoi ? Non, malheureux. Puis en fait, même réalisateur, Emily Blunt qui revient, enfin tout le casting revient. Enfin, sauf le papa, du coup. Je suis curieux. Bon, je suis curieux. Je suis vraiment très curieux de voir comment ils vont continuer ce truc-là et voilà, parce que je trouvais que le concept était plutôt sympa dans le premier, bien maîtrisé. Donc j'espère que ça va pas être le film de trop, mais je l'attends. Mmh. Et numéro 1. Alors là. Tu l'as mis en premier. Hein. Non, mais ah oui, note. Parce que non, mais quand, même. quand on m'a dit ce réalisateur-là va faire ce film-là, je fais attends. Donc, Eddie, il faut que tu devines. C'est peut-être le réalisateur le plus. Enfin voilà, ce mec-là, je lui donne tous les projets. Il peut faire oui, je lui donne. Mais s'attaquer à remaker un film comme ça, qui est quand même assez culte. Que Morgan n'aime vraiment pas. Sauf, que j'aime sauf pas du les tout musiques, au passage. Sauf et que musiques. Moi, j'aime, que j'aimais pas et que j'aime beaucoup maintenant et qui est quasiment un de mes films préférés. Ah, mais West Side Story. Voilà. Voilà. Oui. Alors que moi, je ne l'attends pas du tout, du tout. Ah, mais moi, il y a un truc qui m'excite dans ce projet, déjà parce que Spielberg fait toujours les choses avec le cœur et non avec le porte-monnaie. Donc, mais c'est tellement bizarre, en fait, comme projet. C'est très, voilà, c'est un projet atypique chez lui parce qu'une comédie musicale... Mais ce n'est pas le fait qu'il fasse une comédie musicale, moi, qui me dérange, parce qu'il peut être un peu touche à tout. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il fasse un remake, surtout. Mm. C'est plus ça. Oui. Oui, oui, c'est ça, mais un remake d'autant plus d'une comédie musicale. Bon, après, il avait fait La Guerre des Mondes aussi, qui était un genre de remake en c'est... soi. Oui. Mais, oui, c'est vrai. Mais ce qui fasse un remake d'une comédie musicale, un genre auquel il ne s'est jamais frotté, eh ben, ça prouve que c'est un réalisateur qui prend des risques. Après, enfin, une comédie musicale avec la mise en scène de Steven Spielberg, donc évidemment, Adrien ne sera pas du tout d'accord, mais ça peut être très bien, hein. Non, d'ailleurs, je vous spoil son flop 2020. Adrien, ce sera le pire film de 2020, je pense. Oui, et bien peut-être sûr. Et un des meilleurs, ce sera Birds of Prey. Oui. Je le taquine. Mais en tout cas, je suis impatient, je suis curieux, parce que Spielberg, de par son... Il pourrait faire du confort, et ben, il prend des risques, et c'est incroyable. Et remaker un film comme ça, il faut avoir vraiment une confiance énorme. J'ai toute la confiance du monde pour Spielberg. Ça me plaît. Et puis, une comédie musicale par lui. Et le casting, Ansel Elgort, il chante divinement bien. Parce qu'il chante bien, hein, faut le savoir. C'est pas un amateur. Donc, voilà. Qu'il nous fasse pas un Greta Showman. Je veux pas de ça. Non, je pense pas. Je veux un truc. Voilà, les quelques images que j'ai vues m'ont mis en joie. Et j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Ouais, très bien. Sortie prévue en décembre. Ouais, 18 décembre 2020. Date de sortie du Star Wars, non 2000, non, il n'est pas sorti le 18 décembre 2019. Oui, non, 19. Donc voilà. Ouais. Un an plus tard, peut-être qu'on va être soulagé du mal qu'on nous a infligé avant. Ouais. Très bien. Donc moi, c'est en 5e Mulan. Voilà. Parce que j'adore la direction que ça prend. Mulan, pour rappel, c'est quand même mon film d'animation Disney préféré, ça le reste toujours pour l'instant. Oui, c'est vrai. Donc c'est clairement le film où j'ai mis le plus de, enfin voilà, où j'ai le plus d'affect pour l'adaptation live, donc je ne pardonnerai rien. Après tout ça, c'est à double tranchant, hein. Ça veut aussi dire qu'il faut pas qu'il se loupe. Hein. C'est ça, justement, c'est ce que je dis, en fait, c'est je pardonnerai pas si c'est mauvais, hein, clairement. Mais voilà, les images que j'ai vues, le fait que ce soit quasiment un film de sabre chinois à la Chouillard, ça me rend fou. J'espère que Disney ait eu l'audace de faire ça. Et juste le fait que j'imagine qu'il l'ait fait, ça me rend déjà très heureux. Jet Li en plus, on le retrouve dans le film, enfin voilà. Et puis Liu Yifei, elle a l'air parfaite en Mulan. Donc ouais, moi j'ai pas totale confiance dans ce film parce que j'aurais jamais totale confiance en un film, c'est trop d'ambition, mais je pars très très partant pour voir ce film, quoi. En quatrième, du coup, je l'ai mis plus bas, Morgan, West Side Story de Steven Spielberg, parce que bon, moi il est là, voilà, moi je l'ai, voilà, il est là. West Side Story de Robert Wise, c'est un de mes films préférés, clairement c'est ma comédie musicale préférée, ouais, quasiment. J'adore ce film, j'adore cette histoire, j'adore la musique, j'adore tout. Et vous connaissez mon amour pour Steven Spielberg. Du coup, le fait qu'il s'attaque à ça, ça me rend joyeux, mais en même temps très... Je suis un petit peu sur la réserve quand même. Mais c'est ça qui est, voilà, bien, c'est un risque. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je le mets dans mes attentes, clairement. Parce que c'est un risque. Et surtout, West Side Story, c'est un peu une histoire... comment dire, ça, c'est avec son temps, quoi. Faut se mettre dans l'ambiance des années 50 pour voir West Side Story de Robert Wise. C'est un très, enfin, moi j'adore ce film. La première fois, justement, j'ai eu du mal à le prendre parce que j'étais clairement pas prêt à voir ça. Mais quand je l'ai revu la deuxième fois, je savais ce que j'allais voir et du coup, j'ai été emballé et enchanté. Donc, j'espère qu'il va réussir à porter cette histoire dans un contexte peut-être un tout petit peu plus moderne, mais en même temps en ne dénaturant pas l'histoire. Voilà, moi, c'est une des plus belles histoires d'amour au cinéma. C'est bien sûr, c'est une sorte de remake de Roméo et Juliette, mais dans les années 50. Totalement. Voilà, donc c'est. Enfin, de toute façon, West Side Story, la comédie musicale, est inspirée de Roméo et Juliette, donc voilà. C'est moi, je suis très impatient de voir ça. En troisième, En avant, Onward, Pixar, voilà. Les images qu'on en a vues, moi, ça me donne très très envie. Voilà, le fait que ce soit complètement dingue aussi, qu'on ait juste, par exemple, la partie basse de leur père qui passe la plupart, enfin, comment dire, la partie basse du corps de leur père qui est avec eux tout le temps. Enfin, c'est complètement fou, moi, ça me. Enfin, le fait qu'ils aient eu l'audace de faire tout ça, ou même tout ce que t'as dit, Eddie, tout l'univers avec les sirènes dans la piscine gonflable et tout ça, enfin voilà. Et ça a l'air aussi très touchant, très. Oui, ça va être l'histoire de deux frères quand même, ouais. Qui vont essayer de se reconnecter avec leur père qui est parti trop tôt. Et du coup, enfin voilà, moi je suis très impatient de voir ça. Surtout au niveau casting vocal. Bon, je l'ai pas le casting vocal français, mais casting vocal US, on a Tom Holland, Chris Pratt, du coup, qui joue les deux frères, et Julia Louis-Dreyfus, qui joue la mère des deux, qui est une actrice fantastique que j'adore tout particulièrement. Donc voilà, très très impatient de voir ce nouveau Pixar. C'est Dan Skelton d'ailleurs qui est derrière qui réalise le film, et il avait réalisé Monstre Academy. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Monstre Academy. Moi aussi. Je continue de le défendre. Moi aussi. Et donc voilà, je suis assez confiant. Moi aussi. On est parfaitement d'accord, c'est toi. Voilà. on sera peut-être moins d'accord du coup sur ma deuxième envie, c'est Dune du coup. Dune parce que c'est que ça ne m'intéresse voilà, pas oui, après. Voilà, c'est ça, ouais. Dune pourquoi? Parce que Dune pourquoi? j'aime beaucoup le bouquin de Frank Herbert. J'ai lu que le premier. De toute façon, c'est l'adaptation du premier qui est quand même un sacré pavé. Donc les 2h50 que t'annonçais, Morgan, je sais pas si ce sera ça, mais je pense que ça te penchera vers les 2h30. S'il veut adapter tout, enfin s'il veut bien faire. Oui, non mais il va se faire plaisir. Je le sens 3 heures, moi. Tu verras. Ouais. 3 heures. Ouais, non mais. Le casting qu'il y a. Oui. 3 heures. Oui, c'est sûr. Le casting est juste dingue. Timothée Chalamet en Paul Atreides. Pour ceux qui ont lu le bouquin, clairement, moi, la description de Frank Herbert, c'est clairement la gueule de Timothée Chalamet que j'avais en tête. C'est quand même fou qu'il ait trouvé un acteur qui est juste parfait pour ce rôle. Enfin, je trouve que le casting fonctionne très bien avec les descriptions que Frank Herbert fait des personnages. Voilà, c'est une intrigue. Je pense, pour ceux qui n'ont jamais lu ou vu Dune, j'ai pas vu le film de David Lynch, mais je sais pas s'il reprend tous les éléments. Mais en tout cas, ceux qui n'ont jamais lu ou vu Dune et vont découvrir l'univers avec ce film, vont comprendre d'où vient Game of Thrones, vont comprendre d'où vient, enfin toutes ces sagas et ces séries qui sont venues un peu plus tard. Bon, Seigneur des Anneaux, c'était un peu avant Frank Herbert, mais pas si éloigné que ça. Mais du coup, voilà, il y a énormément de choses qui ont été piochées de Dune, et je pense qu'on est arrivé à un moment technologiquement où on peut faire une adaptation qui est crédible et qui fonctionne très bien, parce que il y a quand même il y a des technologies très bizarres, des peuples très étranges dans Dune. C'est un peu de la science-fiction comme on n'en a jamais vu et jamais lu, et c'est pour ça que ça a fait un si grand carton. Et toute l'intrigue politique aussi très intéressante. Donc moi je suis Et le fait que ce soit Denis Villeneuve derrière, c'est un réalisateur que j'aime énormément. J'ai découvert récemment Prisoners, qui m'a foutu une énorme claque. Très très bon. Voilà. Et puis Premier Contact que j'adore. Voilà. J'aime beaucoup ce réalisateur. Donc je suis assez confiant dans cette adaptation et je suis très impatient de découvrir la première bande-annonce pour voir à quoi ça ressemble visuellement. Et pour finir, du coup, mon attente la plus grosse attente de cette année, c'est sans surprise, c'est Soul. Pourquoi Pixar, mais aussi pas que Pixar, parce que c'est Pete Docter. Et Pete Docter, c'est Wally, c'est Lao, c'est vice-versa. C'est pour moi. Que des merdes, quoi. Voilà, c'est ça. Petit vraiment... film comme ça, bon. C'est vraiment, pour moi, celui qui a quasiment fait que les. Enfin. Tous ces films, je les adore, et je pense que je pourrais les mettre dans mes, enfin ils sont très haut dans mon top Pixar. Donc voilà, le fait qu'ils s'attaquent aussi à cette histoire qui va nous transporter, comme Eddie l'a dit, dans deux mondes différents, le monde des rues de New York très très réaliste et le monde des âmes, etc. Puis il y aura du jazz. Voilà, et moi j'adore ça, le jazz. Moi aussi. non, oui, et puis voilà, ça a l'air très musical comme film. Et moi, il y a tout pour me plaire dans ce film. Franchement, vraiment... s'il fait un lien entre l'âme et la musique, voilà. Il est obligé de. L'âme, la chanteuse. c'était parfait. Là, franchement, c'était une très bonne. Du coup, voilà. Moi, je suis très, très, très, très impatient de découvrir ce film et c'est ma plus grosse attente de cette année 2020. Je serais très, très déçu que le film soit mauvais. Je pense que s'il est mauvais, il va être en flop 1, quoi. Tellement la déception sera grande. Voilà, même si c'est pas je l'attends vraiment énormément. Je voulais juste avant de finir ce podcast poser une dernière question. Je sais pas si Eddie t'as eu le temps d'y réfléchir, mais au pire c'est pas grave. Ah oui. Je voulais demander parce qu'il y a pas mal de films qui ne sont pas annoncés pour 2020 et pas mal de réalisateurs qui n'ont pas de films prévus pour 2020. Quel est le réalisateur dont vous attendez le plus un film en 2020? Et Morgane, toi c'est qui? J'en ai plusieurs, hein. Bon bah évidemment là comme ça je dirais Bong Joon-ho parce que voilà, mais non, faut qu'il se repose. Non, moi je fantasme depuis des années, parce que je vais en parler, mais c'est pas cette année qui va revenir, c'est Sam Raimi. Qu'est-ce que tu fous Sam, putain, ouais, reviens, putain, ouais. Mais merde. Alors qu'il a il avait un projet, je sais pas si c'est toujours validé ou pas, si c'est toujours en production. C'était le projet du Triangle des Bermudes. Il devait faire une espèce de truc. Oh là là, Sam, qu'est-ce non, que mais tu c'est fous vrai qu'il nous, t'es où? Il nous manque, il nous manque. Ouais. Ouais. Voilà, donc je dirais Sam Raimi, mais il reviendra pas. Donc. Ouais. Eddie, t'as une idée comme ça? Stanley Kubrick. Et attends, on n'est pas si loin d'un film créé par des intelligences artificielles qui font peut-être, du Kubrick. Hein. Peut-être. C'est... J'aurais dit Terrence Malick, mais bon, il en fait des films. Et le problème, c'est que j'ai déjà pas le temps de voir ce qu'il a fait. pas Martin Scorsese. Non. The Irishman 2. non. Oh, non. D'accord. Non, j'ai pas vraiment d'attente de ce côté-là, malheureusement. Très bien. Bon, d'ailleurs, alors moi, il y en a un. Alors, c'est une petite parenthèse. Bon, ça fait longtemps que son dernier film n'était pas bon, je crois qu'il datait 2008. C'est Francis Weber. J'aimerais bien voir s'il en a encore dans le coffre. Parce que, bon, il a été quand même sur un piédestal pendant des années, quoi. Le Dîner de cons, le placard, tout ça, j'aime bien. Et pas que, d'ailleurs. Même La Doublure, c'est un film que j'aime bien. Mais j'aimerais bien qu'il revienne pour voir s'il a encore des choses à dire ou s'il doit se taire, quoi. Donc, voilà. Ok. Et moi, pour ma part, j'aurais pu dire Edgar Wright, Darren Aronofsky, j'ai prévu d'être, enfin, je voulais être un peu plus. Aronofsky, ouais, alors. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Mais je voulais être un peu plus obscur. Y a un film qui me trotte dans la tête depuis que je l'ai vu, et ça fait depuis 2016. Hein. Mais j'y pense de temps en temps et je me dis, punaise, quel film quand même. C'était Anomalisa. Et Charlie Kaufman, j'aimerais bien qu'il nous refasse un film en 2020. Effectivement. Un film à la Anomalisa, ça pourrait être vraiment, vraiment super. C'est vrai. Après, moi, j'ai toujours mon projet de d'une version live Atlantide. Alors, voilà. Ouais. C'est sur les rails, mais a priori, il y a eu des rumeurs pendant un temps, on n'entend plus parler maintenant. Mm. Et, oui, c'est vrai. Voilà, peu importe le réalisateur, mais plus un projet qu'un réalisateur. Oui. Bon, ah, pardon, ouais. Alors attendez. Peu importe le réalisateur, je veux pas qu'on aille m'y coller un Paul W.S. Anderson, hein. Qui va faire l'adaptation de Monster Hunter, hein, voilà. Cet été. Donc, voilà. Donc, non, mais je sais pas. Qui est-ce que je verrais bien là-dessus? Bah, ah, si! Un film que j'attends, un réalisateur. Alors oui, un réalisateur que j'attendrai éventuellement, c'est Brad Bird. Mais alors, Brad Bird, à mon avis. Ouais. C'est vrai. On peut se brosser, hein. Non, il... Ouais. Pour il l'instant, peu, ouais. Je pense qu'il est un peu blacklisté partout. Et le truc que j'attends, et j'espère que ça se fera, c'est une director's cut de Justice League. Enfin, la Snyder, oh, la Snyder, la Snyder cut. Voilà, ouais. Ça je le veux. Alors c'est non mais c'est alors, c'est pas contre toi Eddie, mais les fans ils sont casse-couilles avec ça, ils sont chiants. En plus la moindre fake news il y a une image et tout, ça va arriver. Non, clairement je pense qu'elle n'arrivera jamais. Mais bon, je sais pas c'est pas contre... non mais je pense qu'elle n'arrivera jamais, hein, je sais pas, je pense. Moi, que je n'ai pas envie de perdre, j'ai un doute, mais je pense qu'il avait tellement prévu de faire autre chose que ce qu'on a eu que je sais pas. J'aimerais vraiment qu'il arrive à la sortir, quoi. Attends, mais Axel, c'est vrai, Paul W.S. Anderson, il revient cette année? Ouais, il fait un film Monster Hunter avec Mila Jovovich. Ah oui, le jeu vidéo, là. Oh non. Voilà. C'était en juillet. Voilà. Oh ouais, en juillet en plus. Ouais. Oh merde, je serai en vacances. Mais tu l'as pas mis dans tes... Ouais, tu l'as pas vu du mais coup. Non, je savais qu'il avait peut-être éventuellement un projet de faire un film, mais je savais pas que c'était ça. Ouais. Oh, wow. Du coup, un autre jeu vidéo de Capcom adapté par lui. Ah ben, désolé Spielberg, mais alors là... et je change, hein. Non, c'est pas possible. Quelle horreur. non, mais bon, c'est... Ok, bah très bien. Et ben on va se diriger vers la fin de ce podcast en vous remerciant d'avoir écouté du coup cette deuxième partie et ces deux parties. On vous rappelle rapidement tous les liens où vous pouvez nous écouter et nous retrouver. Du coup, moviesnerd.net, c'est le site où vous pouvez retrouver les critiques, les émissions audio et vidéo. Sur les réseaux sociaux, c'est moviesnerd sur Facebook, movies_nerd sur Twitter, moviesnerd_officiel sur Instagram. Vous pouvez nous contacter par mail contact@moviesnerd.net. Vous pouvez noter le podcast sur iTunes pour nous faire monter dans les classements. Vous pouvez l'écouter sur PodCloud, sur Spotify, Deezer, TuneIn et Stitcher. Voilà, toutes les applications de podcasting et Podcast Addict, tout ça. Enfin voilà, toutes les applications. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour moi, vous pouvez me retrouver sur Moviesnerd, bien sûr, sur Twitter, Sens Critique, Instagram. Et c'est The Lexal, THELEXAL. Morgan ? Eh bien, moi, sur Twitter, @CinéMorgan, et sur Sens Critique, Mogo Sheridan. Parfait. Eddy ? Eh bien, sur Twitter, si vous voulez, Istarkosaurus sur Twitter. Juste sinon, pour ce nom, c'est ça. Oui, oui, en fait, j'adore. J'ai hésité pendant un temps à le changer sur Sens Critique, mais le problème c'est que je pense que tout le monde va se demander mais c'est qui qui est-ce. Mais non, non, je vais rester par contre, sur. Faut pas changer ta profile pic parce que personne, enfin tout le monde va être paumé si tu la changes un jour. Hein. De quoi? Parce que non mais tu sais ta photo de profil genre ça fait un Johnny Depp dans Charlie, la chocolaterie. Oui, Willy Wonka. Ouais, non, mais si tu la changes un jour, tout le monde va être paumé. Hein. Ah, je te le dis. C'est hein. Clair. Donc, Istark sur Sens Critique, Istark sur Moby's Nerd, Istark Play sur YouTube. Ristar 91 sur Steam. Vous avez vu, je précise tout aujourd'hui. Je crois que c'est Ristar 91 aussi sur Uplay, je crois. Je sais plus. Ouais. Ristar. Stark aussi, Stark Play sur Origins, je ne sais plus. Il a tellement de choses, il oublie. C'est Stark 91, oui, sur YouTube, sur Google Plus, enfin sur Google, tout ça. Enfin, ça n'existe plus, Google. Voilà. Ouais, non, mais là, c'est ça. Enfin, vous cherchez. En général, alors, voilà. Je suis sur copain d'avant. Pas, vous rajoutez un Play, un 80. Sur MySpace. Voilà. Skyrock. Eddy@caramel.fr. Ouais, c'est ça. XXX tiré du bas, Eddy. Ouais, MSN. Tout ouais. Ça. Voilà. Envoyez-moi des POG, des WIS, tout ça. Je... Désolé. on parle d'internet. J'ai ouvert un Skyblog pour mes critiques. Skyblog. Cinéphile vendéen. Ouais, c'est clair. Ouais. Et 85, alors le Love Cinéma. Ouais, c'est ouais. Ça. Manuel avec bon. Des boutons. Bon, très bien. On va arrêter ce podcast parce qu'on commence à dire n'importe quoi. Ouais. Ça, quand ils sont trop longs, on finit toujours par délirer un peu. Hein. Mais c'est clair, ouais. Du coup, on remercie encore les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout ce bilan de l'année 2019 et on vous retrouve très prochainement. Du coup, on l'a annoncé dans le dernier podcast Movies Nerd, donc on va faire un bilan de la décennie 2010, mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut qu'on revoie certains films, faut qu'on fasse, faut qu'on y pense un peu plus. Donc, vous l'aurez prochainement. Je vais pas dire une date précise parce que de toute façon, on s'y tiendra jamais. Mais voilà. Et d'ici là, on vous dit. À la prochaine, ciao. Salut. Ciao. I've just never seen Loki as it's been. Fell in love overseas. Fell in love like it's easy. Put to sleep without dreams. Under the moonbeam. Call you for no reason. Hold on like it's greasy. Lesson like do it sell. Lesson like do it sell. 40 days, 40 nights. Feel like a holy night. The lesson's always there, the less is always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lesson's always there, the less is always more. When you're alone with me, you never come up short. You never come up short, never come up short. By yourself, by yourself, by yourself, by yourself.